Ben d'abord, faut quand même que tu t'approches de ton micro, je pense. Sinon, je vais faire un appel à tous pour qu'ils nous écrivent. Mais y a pas moyen que tu sois confortable. Ouais, ben là, oui. Ben c'est ça. Mais t'étais pas de même tantôt pendant ton anecdote. Puis dans les autres épisodes. Ah ben là, c'est sûr, si je bouge un peu. Parce que la fois, la zone est tout petite. Ouais, mais t'as pas moyen de te mettre confortable. T'avais pas mis une boîte à un moment donné. Ben ouais, il est hooké. Ah ouais. Il est bien hooké. Fait que y a pas aucune façon que tu peux être... de remonter encore plus. Juste être bien sans être obligé de comme, être aplati. Ouais, ok. Mais là, c'est correct. Non? Parce que oui, ouais. Hey, dis-les donc, Alice. Non, c'est parfait, ça, je pense. Donc, Alice. Attends, j'ai essayé un dernier truc. Merci, Garfield. Réveil matin. Putain, ça devrait être correct, ça. Je devrais moins... Mais je veux juste m'habituer à rester proche. C'est juste que j'y pense pas. Mais c'est parce qu'on l'entend, on l'entend pas quand on le fait. C'est après non, ça, c'est quand, ça, quand je commence à monter, là, je le sens plus. Je suis comme, oh Chris, ok. Mais tu sais, genre, ouais. c'est pas écoutable. Mais si, il est pas encore capable de juste rester proche de son Chris de micro. Mais je sais pas, ça doit pas déranger parce qu'il y a des podcasts qui sonnent plus le cul que nous autres. Là. Ouais, mais en même temps, c'est le fun de bien sonner. Ouais, un minimum. Là. Tant qu'à prendre à faire l'effort d'enregistrer. Je avant de commencer, je faire une affaire. Là, imagine qu'il y a de la musique relaxante, là. Ben, je vais la mettre en poste. Ok, là. Vous nous écoutez, vous relaxez. Vous écoutez le son de ma voix, là. Là, vous êtes bien. Ou pas. Vous êtes peut-être mal à l'aise, là, mais soyez pas mal à l'aise. Vous êtes bien. Là, vous allez relaxer, là. Vous allez je vais tout... arrêter de vous toucher si vous dites non. Ok, là. Vous allez regarder vos pieds. Ou, en bas, mettons. Si vous êtes couché, non, mais regardez en bas. Plus bas, là. Puis là, vous allez prendre vos attentes, puis vous allez les envoyer vers le bas. Prenez vos attentes et baissez-les le plus possible. Vos attentes... Tu sais qu'on n'est pas obligé de faire d'allusion, ils le savent. Mais Chris me dit qu'après ça... Ils peuvent juste faire comme « Wow, shit, tout ce qu'on fait après, ça va être bon, là. » Ouais. Aucune attente. Non? Je pense qu'on pourrait juste ne pas y faire allusion. C'est pas comme si en rentrant, ils s'attendent genre au meilleur show de leur vie. Ben, peut-être avec un nom de même, tu sais pas, là. Ouais. On a... Non? Non, je trouve que c'est de la négativité, ça. Pas obligé de dire tout de suite « Non, ça sera pas bon. » Mais ta question, on va juste pas l'enregistrer. C'était du positiviste. Ça veut juste dire que ça peut aller en montant après ça. C'est toi qui vois le noir là-dedans. Toi, tu vois le vert. Tu vois le vert à moitié plein. Moi, je suis là en train d'essayer de... Mais non, toi, t'assumes aussitôt qu'en embarquant, ils vont être déçus. Non! Je dis juste que... Ben si non. Tu baisses tes attentes le plus possible, là, c'est plus bas, là. Tu dépasses le plancher puis tu te rends chez le voisin. Tu sais, vraiment bas, là. Ben après ça, ça peut juste remonter. Ils peuvent juste faire comme un Chris. C'était donc bien... Ou tu peux avoir le moindrement un petit peu confiance puis dire, ben ils vont peut-être un peu aimer ça, même si on le dit pas. J'ai peut-être confiance puis je voulais faire ça aussi. Je gagne du temps, là. Fait quoi? J'ai gagné 3 minutes à faire une stiniaiserie. Comme... Ouais. c'est ça, nous autres, notre formule de combler du temps jusqu'à ce qu'on se tanne. Et si boire, hein, que je m'aide... Ouais, on peut juste faire un podcast normal. Pas obligé de... Je pense pas qu'il va y avoir 60 personnes de plus. Non, mais... Je au même pire, pas faire même si oui, c'est pas grave. Là. C'est... Je voulais même pas t'en faire allusion au fait qu'il y aurait plus de monde, mais on dirait qu'il fallait que je me protège. Moi, je mettrais pas cette section-là. Ah, mais je l'aurais mis au complet. Ok, donc, commence-moi ça mieux que ça, tabarnak. Ben, avec ma brûlure mouillée qui colle. Ok, commençons avec la... Ah, mais ça peut être ça. Moi, dans le fond. Ok, d'abord. M'a tout enlevé mon truc d'attente de... Hey, moi, c'était ma première note, puis j'avais 10 minutes avec ça, moi. Qui finalement était 2. Ben, finalement, c'est ça. Finalement, elle sera 0, si on le coupe. Puis là, tout ce que je dis va être coupé aussi, puisque sinon, je fais référence à quelque chose qu'on a coupé, puis c'est complètement ridicule. Ah! Ben, c'est ça, échappe ton micro, Carlis. Hey, bienvenue à Voûte du Gold. Vous aurez compris que c'est pas tout à fait un épisode normal. C'est pas non plus un reboot. Puis c'est pas, on n'a pas vendu la franchise à personne. Puis repartent à une autre version de ce projet-là. Non, non. Aujourd'hui, en fait, la chandelle éclaire le coin du lit. Puis on fouille d'un boulamite. J'ai fouillé dans les archives, dans la voûte des sorbets, trouvé des moments coupés. Alors, vous venez tout juste d'entendre une introduction coupée de l'épisode 34, qui date de janvier 2018. On venait tout juste de se faire un name drop dans un podcast avec une écoute considérable. Alors, comme je m'attendais à ce qu'il y ait une couple de personnes de plus qui écoutent le podcast, je me suis mis en mode autodéfense ou plutôt autodestruction. Puis c'est correct, Mathieu a arrêté ça. Mais ça a fait un petit moment savoureux. Puis c'est drôle parce que là, ça fit quand même bien dans l'esprit, tu sais. Fait que baissez vos attentes, là. C'est du stock coupé, là. Fait que c'est pas... tu sais, il y a pas tant... Le pire, il y a vraiment pas tant de trucs que ça coupés dans les sorbets. Le gros du montage, là, c'était de tighter des affaires. Puis de rendre ça, un peu plus rapide, puis plus fluide. Fait que dans 80% des cas, ce qu'on entend est à peu près l'intégrale de l'enregistrement. Mais il y a une couple de fois, bon, on a coupé des discussions, on a coupé des petits moments, ou il y a d'autres fois qu'on l'a échappé, puis on va explorer les petites 2 heures que j'ai réussi à trouver aujourd'hui. Puis on va commencer. Puis ouais, cet épisode-là s'adresse surtout aux fans finis, là. Tu sais, les personnes qui ont écouté des sorbets 2-3 fois, puis qui sont en train encore de les réécouter. Je pense que quelqu'un qui commence par cet épisode-là, par curiosité, pour moi, c'est une mauvaise idée. Je ferais pas ça. Fais pas ça. Non, fais pas ça. Parce que ça, cet épisode-là, c'est comme un. Tu sais, quand il y a un band, puis là, il y a un des membres qui meurt, puis là, il ressort un autre album avec comme des extraits du membre mort qu'il avait enregistré avant. Puis là, c'est comme un album un peu bizarre, c'est comme un collage, puis il y a comme juste 2-3 tunes de bonnes, puis le reste, c'est un peu du filler. C'est un peu ça. Tu sais, parce que si tu veux présenter les colocs à quelqu'un, mettons, mais tu sais, il montre pas l'album suite 2116, là, tu sais. On s'entend-tu, là? Parce que ouais, dans un sens, c'est un peu comme un épisode posthume, là, parce qu'on se rappelle que dans le canon, Mathieu, il est mort. C'est à la fin du best-of, Mathieu meurt dans son lit d'hôpital, puis je pars un rap par-dessus, là, c'est malade. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est un peu pareil, dans le fond. Puis là, en plus, c'est pour ceux qui se demandaient, comment ça, Stéphane est présent tout seul? Ben, tu vois, là, c'est comme c'est justifié, là. C'est justifié par le canon, là. Fait que, anyway, commençons ça. On va y aller un peu en espèce d'ordre chronologique pas clair. On va revenir au 4 mars 2016, soit le jour de l'enregistrement de l'épisode 1. Juste avant l'enregistrement de l'épisode 1, on a fait un test avec un site qui s'appelle Zencastr. C'est un genre de site où ça enregistre automatiquement tes appels. Au lieu de passer par Skype et d'enregistrer, ben tu fais ton call à partir du site et ça te donne des tracks séparés. On trouvait que le son n'était pas terrible, alors on a décidé de le faire à la mitaine en enregistrant nos conversations Skype chacun notre bord. Mais il y a quand même un petit 10 minutes, dans le fond, qui se retrouve un peu à être le pilote des sorbets. Que peut-être certains d'entre vous avaient déjà trouvé, là, il est caché quelque part sur le site. Là. Pour les autres, alors voici le pilote des sorbets. Ok, yeah! Blablabla! Blablabla! Bla, bla. Mais c'est drôle, je me demande pourquoi qu'ils demandent. J'ai vu Skype sur la page principale, mais ouais, c'est ça. Mais je pourrais pas te dire pourquoi. Ernest, fuck off, esti! Arrête-les! Oui, c'est rien qui empêche de pas, de justement que là je fasse genre autre chose que le podcast, puis là tu fasses comme ta gueule. Non. Je fasse go. Là on le fait pour vrai. Ouais, c'est correct. Fait que là officiellement on a un podcast là. Ouais. Ça commence là. Les sorbets du caractère mou. Bon, ben comme c'est officiel puis qu'on a officiellement commencé là, je pense que je vais aller acheter le domaine.com maintenant. Je vais aller acheter un abonnement à un système de host de podcast. Parce que là, après ces 30 secondes-là, je suis convaincu qu'on va continuer pendant 100 autres épisodes. Je pense aussi. Parce que c'est 30 secondes du tonnerre. Du tonnerre. Ouais, il aurait fallu que j'ouvre les notes. Hein. Carlis, moi j'étais prêt, moi, mais toutes mes notes sont là. Pas moi. Je pensais qu'elle jouait à Stardew. C'est ça, oui. Stardew. T'as même pas ajouté de notes. Ouais. Ouais. Moi, j'en ai mis 2, puis c'est 2 affaires qui vont durer environ 1/4 seconde, puis il y en a un qui est pas drôle. Ouais, mais c'est pas grave, parce que je veux pas non plus que ça soit comme juste on lit point 1, point 2, point 3. Veux pas, il y en a là-dedans qu'on parlera pas. Il y en a d'autres qui vont se rajouter pendant. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, vu que... Tu pars de quelque chose, puis tu pars sur une discussion, fait que... Ouais, j'avoue. Ben, normalement, là. Oui, ouais, on espère. C'est ça qui est écrit dans mon script. Page 4, là, tu vois, page 4. C'est ça, c'est du dialogue, là. Ouais, c'est ça. Faut que tu te lèves derrière ta fenêtre, tu regardes le soleil en pleurant. Ouais, c'est ça. Ça, c'est page 5. Faudrait peut-être au moins se présenter, là. Ouais, j'avoue, hein, c'est le premier. Tu fais comme, wow, ce podcast-là, il y a un nom cool. Ouais, et ok, les gars, ils se présentent pas, on ne savent pas c'est qui. Bon, peut-être que vous nous connaissez à cause de Gentleman Ricochet. Chris, que c'est sûr, hein? T'sais, ah oui, on... hey, mais c'est quand même arrivé une fois, je te l'avais compté. Qu'on se passerait quand même pour ça? Ben, la c'est ma blonde au début, Lucie, quand elle me dit... elle a un ami en France qui a demandé si son chum, parce qu'il avait vu sur Facebook, c'était le gars qui avait fait Gentleman Ricochet. Et comme, what? Et voyons donc, il doit y avoir genre 5 personnes qui jouent à ça. Ouais, donc c'est sûr que tous les fans de Gentleman Ricochet écoutent présentement. Pour les autres qui connaissent pas ça. Bref, Gentleman Ricochet, c'était un jeu mobile qu'on a fait. En fait, comme notre premier jeu mobile qu'on a fait ensemble il y a quoi, 2-3 ans? Quasiment là, 3 ans, certains. Ouais, environ. Jeu mobile que moi, Stéphane, j'ai fait tout l'art, le visuel, puis Mathieu, qui est l'autre personne avec qui je parle présentement. Moi! Pour mettre ça clair, il n'y a pas un autre gars qui est pas ici. C'est moi! C'est un jeu qui nous a rendu riches. Tellement riches, là, comme tu le sens dans notre équipement de podcast, la richesse. Tu sens fait que... Je pense en tout, genre 1000 avant taxe. Qu'est-ce que 1000 pour vrai? Ouais, on a passé ça genre voilà 2 semaines. Pour vrai, moi, tu sais, quelqu'un me le demanderait, j'aurais dit on doit avoir fait 500. Ouais, non, attends, je vais te leur dire, j'arrive à checker. C'est bon, on va checker pendant que mon chat il pleure parce qu'il peut pas rentrer. Décalisse! C'est pas un podcast sur les chats. C'est pas un podcast sur les chats, on sait pas. On sait même pas si c'est un podcast de quoi. Mm. Ben j'imagine, bon, c'est ça, on a développé un jeu ensemble. On a étudié ensemble, on a fait le même bac en animation. Ouais, puis on se parle non-stop. Fait. C'est ça, c'est comme juste un... Mais ça peut être aussi quelque chose, juste les deux, on est... What? Tu sais, dans le sens, on a chacun comme une place correcte dans l'industrie, tu sais, dans le sens de... C'est aussi quelque chose, genre, on sait de quoi on parle un peu, puis... On est là-dedans, puis les deux, on aime ce qu'on fait. Je pense que oui. Là. Quand j'ai dit « what », c'est parce que j'ai eu un son. J'ai eu un son, genre, de... Et un avoine. C'est calice. Mais ben, ça a comme fait un bruit de Skype. Hey, man, vente, là, 1250. En bénéfice, 844. Tabarnak. Hey, what? Mini a fait pratiquement autant... Que. Non, Gent 1, man. Fuck, là, je me sens mal de pas l'avoir patché. 554 pour Mini, pis 700 pile pour Ricochet. Fuck, ok, là, c'est parce que présentement, Gentleman Ricochet Mini, la suite, il y a un gros bug game breaking dedans, que je sais qu'il est là, ça doit faire un an et demi. J'ai jamais pris le temps de réparer sur iOS. Il est réparé sur Android. Mais... Même mon chat, là, il en revient pas que je l'avais pas patché, ce jeu-là. Ça doit être... Y a-tu des... Check donc les reviews. Y a-tu des nouveaux reviews, genre, qui doivent dire « Oh, je suis pas capable de passer le boss du monde 3. » C'est pas le taco, ça? Non, le taco, c'est secret, man. C'est le taco, c'est le... C'est la lune, je l'ai ouais, dit. Ouais, là. Le taco, c'est le mini-jeu que t'unlock après avoir fini le jeu au complet. Ouais, fait que y a toi pis non y a moi, t'as même pas fini le jeu, y a moi pis d'autres personnes qui l'ont fait. Oui, je l'ai fait une fois. Ouais, ok, c'était une fois le fun. Ouais. Oh shit, y'a un gars. One of the worst games I've ever owned. Une étoile. Pour vrai? Ah oui, annoying music and the gameplay stupid, why does the thing have to land in the square? Je sais pas pourquoi, genre mini-pot, faut que tu le tires dans le jeu. That makes it completely unnecessary. The physics in the game makes it impossible unless you get the perfect angle. Totally stupid. Est-ce que c'est cave Mario quand faut que tu sautes sur des cubes, pis là, il y a des tortues, là, pis là, c'est con, là. Tu pognes des scènes. C'était pas une fille en passant. Mon chat est bien indigné de ce review-là. Ça va être un peu distrait. Moi, ben là, je viens d'entendre ma blonde qui appelle le chat, fait que je pense que... Okay. Je pense que ça va être au moins contrôlé pour les 5 prochaines minutes. Avec un peu de chance. Un jour, on va le faire face à face. Un jour, parce que c'est comme si ça faisait 6 heures qu'on le faisait. Mais j'aime ça déjà le feeling. J'aime ça aussi. Comme là, on s'entend, il va falloir couper le trois quarts, là. Ben, je suis sûr qu'il y a quelque chose qu'on peut garder là-dedans. Mais je sais pas à quel point. Moi, ce qui m'inquiète, c'est je sais pas à quel point que c'est trop pas inside, mais tu sais, trop ce qu'on est familier. Ouais, fait que... C'est trop inside. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que je... Ouais. Fait que sur quoi tu veux. Mettons qu'on cote à quelque part, sur quoi tu veux qu'on reparte là? Trouves-tu qu'on s'est assez présenté? Bah oui. Trouves-tu que t'as bien fait? Non. c'est-tu genre. D'où le c'est pour ça? Mais genre, j'aime ça qu'on fasse ça. Comme ça, on saura pour le vrai premier. Ça va être quoi? Tu sais, mettons, pour la semaine prochaine, si on est toute la semaine à écrire des sujets, on va peut-être savoir un peu plus de quoi parler. Ben, c'est correct de pas avoir de sujet. Tu sais, on n'écrira pas comment qu'on se présente. Fait que, tu sais, je veux dire, dans le sens... Non, mais c'est juste, ça nous rend à l'aise. Fait. C'est sûr, mais tu sais, dans le sens, même si, mettons, on en referait l'épisode 1 la semaine prochaine, tu sais, la présentation... Elle va être aussi de la merde. Ça, on sera pas... Elle va être peut-être ouais, même pire. Genre. Ça va être moi qui va me dire « Les sorbets du caractère mou! » Moi, c'est Guillaume. Oh, fuck. Tabarnak. Moi, Erin. Oh! Hey, man, mon chat est revenu. J'avais pas compris. Je pense qu'il va falloir que j'enregistre dehors. Je pense que le bruit du trafic, ça va être moins pire que mon calice de chat qui pleure. Aujourd'hui, je pense que j'ai eu le meilleur « That's what she said » que j'ai eu de ma vie, je pense. À matin, j'étais trop vert. Okay, j'ai épluché les carottes. J'ai juste coupé en deux, en longueur. Puis j'avais un petit bout, puis un géant bout. Puis là, en mangeant, je veux pas, il est comme... T'sais, bref, ça fait vraiment du bruit. Puis là, je me suis tourné vers Jérémy, j'ai fait « C'est dur de pas faire du bruit, elle est trop grosse. » Et tout! J'ai trouvé ça vraiment drôle. Et Jérémy a répondu « That's what she said ». Non, c'est même moi qui l'ai dit parce qu'il a fait « Hein? » C'est vrai, c'est quand tu t'es fait « ça a deux là, un peu. » C'est comme « C'était le temps, le colis. Oh. » Ah, je viens de voir dans le document des sujets que t'as enlevé, ce sujet-là. C'est bon. C'est dit. C'est réglé. Fait. Non, mais je vais... Ouais. Non, j'ai mis en italique. T'avais raison, c'est un sujet de 10 secondes. Ouais. Pis là, c'est le starter kit du game designer. Je sais quel. C'est de quoi de vraiment trop personnel que c'est genre le truc de. Tu sais, mettons. Ouais. Avez-vous remarqué, mais que. Qui marchera pas pour personne sauf moi, genre. Que c'est. Dans ma tête, genre, si je vois quelqu'un avec, tu sais, les genres de calottes d'armée avec la petite palette, pis c'est genre. Je sais pas comment le dire. C'est. Casquette, mais un peu d'armée, justement. Genre noir avec un coton ouaté noir, c'est genre. Ouais, Ça comme ça jitter, genre. Ouais, moi aussi. Puis tu m'as l'air, non, mais j'enlève ce sujet-là. On va le couper. Qu'est-ce que c'est du caca? Je sais pas comment expliquer que ça marche pas. Ah, pourquoi ça chie de même d'un coup, hein? Ok, moi pire. Ouais, je sais pas si ça va. Ben, j'imagine qu'on l'aura pas sur l'enregistrement, parce que c'est moi, mettons que ça jitter. Ben, moi pis toi, ça jitter de le recevoir, mais. Ouais, j'imagine qu'on aura juste comme le micro. Par contre, c'est que tu sais, si tu parles, puis pendant que tu parles, ça fait. Puis là, tu t'attends une réaction, puis je fais juste comme faire. Oui. Quoi, tu trouves que. Tu trouves que j'ai une phase de cancer? Là, ça a l'air correct. Tu sais, là, je suis sur le Wi-Fi, hein, c'était une mauvaise idée, mon affaire. J'aurais dû faire ça dans mon bureau. Mais je voulais pas empêcher ça non plus, là, dans le salon, puis aller écouter un film. Tu sais, vis pas. Wow. Genre, arrête de vivre pendant que je fais mon podcast intéressant. Ouais, t'es devenu un robot pendant une seconde, man. Ah, oh, man. En plus, c'est ton chat en arrière qui crie, man. C'est chaos total, man. Ben, check, veux-tu justement... Ah, man, je vois ses pattes en dessous de la porte. Je pense que je vais juste le rentrer. Veux-tu que, vu que là, ça a comme bugué un peu, veux-tu qu'on arrête là, ce bout-là? On check. Juste checker, voir comment ça sort. Ouais. Puis au pire, on peut repartir à zéro ou reprendre des bouts de celle-là. Ouais. C'est moi, ça me dérange pas. Non, peu importe. Hein? Hein, non, mais c'était bon. C'était-tu bon, ça? Hey, Chris, en plus, ça sonnait les fesses. Tu sais, pis en tout cas, hein? Mais tu sais, il y a quand même de... Je trouve qu'il y a de quoi de cool de nous entendre au début, là, parce que c'était encore nouveau, pis tu sais, ça nous tentait. Fait que c'est comme, wow! Fait que, anyway, on va continuer avec d'autres moments de l'épisode 1, en fait. Tu sais, dans les sorbets, on avait la tradition de pas vraiment faire d'intro, puis d'être vraiment mauvais pour se présenter. Puis ça part en fait de l'épisode 1. Ceux qui se rappellent, il n'y avait pas vraiment d'intro non plus. Puis c'est pas parce qu'on n'a pas essayé. En fait, là, on a essayé vraiment fort. Parce que quand on a fini l'enregistrement, après on s'est dit on va enregistrer une intro puis on va la coller au début. Puis on a essayé vraiment fort. Puis pour vrai, il n'y avait vraiment rien qui marchait. Mais ça fait que ce moment-là, maintenant, se retrouve ici. Alors, on poursuit avec la fin de l'enregistrement de l'épisode 1. Bienvenue au premier épisode du sorbet... Enfin! Bienvenue au premier épisode des sorbets du caractère mou. Donc, on est qui? On est... Non, ok. Non, mais genre, tu voulais dire quelque chose du genre de... Pourquoi... On va mettre une autre musique, ça va être... Les sorbets, qui sont-ils? C'est ça! Non. FM. Pourquoi? Les sorbets du caractère mou, pourquoi? Vous savez, moi, les sorbets, ça me rappelle... les arts, les sciences. Pour moi, les sorbets, c'est l'essence même de l'existence. Non. Ouais, non. Hey! Bienvenue au sorbet des caractères mous! Du! Ah, tabarnak. Je le sais! Hey! Ouais, on pourrait avoir une mini-section à la fin de genre blooper. Non, c'est un peu tacky. Ouais, mais j'aime ça! On verra, t'essayeras. Non! Ben, c'est parce que j'ai pas envie, pendant que j'édite, d'être obligé de garder les bouts que je coupe. Ou sinon, tu l'éditeras, hein, si tu veux le faire. T'aimes ça, éditer. J'ai comme assumé que ce serait moi qui le faisais, mais j'ai pas... Ok, c'est parfait, ça me va. Okay. C'est vrai que j'aime ça. Hey! Je suis qui, Chris, le petit vieux voisin tout nu, genre. Hey! T'as-tu ta tondeuse? Ajustez pas votre radio, c'est... C'est maintenant l'heure des sorbets du caractère mou avec Mathieu et Stéphane. Allô! Oh boy. Bienvenue au sorbet du caractère mou. C'est un podcast. On est tombé à plot à l'eau. Hey, bienvenue au sorbet du caractère mou. On a comme enregistré un épisode de podcast. Puis on n'a pas d'intro, fait qu'on enregistre un après. Encore. Parce qu'on s'est rendu compte que dans le fond, on se présente pas vraiment, puis que c'était pas clair. Puis comme on veut pas écouter à genre des petits-enfants au secondaire, ça n'a pas rapport. What the fuck? Je vais remarquer c'est quoi, mais comme fait, non, c'est trop long. Là, ça jungle d'un pédophile. Ben, c'est à ça que je pensais à Chris, là. Vu qu'on veut pas juste regarder des petites filles. Moi, je le garderai tout ça. Ouais. Je garde tout ça. Non, c'est pas vrai. Hey! Bonjour, non. Non, mais juste dire, mettons, attends. Là. Mais ça, tu sais, je veux dire bonjour, puis en même temps, j'ai de la misère à me prendre au sérieux. Puis je veux pas que ça sonne comme si je me prends au sérieux, mais sinon ça sonne comme si je me prenais pas au sérieux, puis j'ai de l'air nonchalant. Ouais, peut-être pas dire bonjour, juste genre « Hey! Sup! Bienvenue au premier épisode du sorbet du caractère mou! Dope! » Salut Stéphane! Ouais, pourquoi... pourquoi... Ah oui, ouais. On devrait faire ça, on dit « Bienvenue » puis on « Salue ». Ouais, c'est ça, ok. Genre « Bienvenue au premier épisode des sorbets du caractère mou! Salut Stéphane! » Allô Mathieu! Ça va bien? Ben, calice. On fait-tu Pinky Swear? Ouais. Okay. Sur Skype, ça a pas... Chouette être enfin beau. voici comme un intro qu'on a enregistré après avoir enregistré ce qu'on pense être le premier épisode. Ouais. Ça me dérange pas? Faut pas le dire, man. Je pense que c'est juste long. Genre, on sent que c'est un peu long. Okay. Enregistré après. Là. Ouais, ok. Bienvenue au premier épisode des sorbets du caractère mou. Salut Stéphane. Allô Mathieu. Bienvenue aux intrépides. Je trouve ça drôle, puis c'était posé de dire comment ça va, parce que tu voulais pas qu'on le dise en même temps, puis je l'ai juste pas dit non plus. Ah non, moi c'est rien que ça fait, on dirait les intrépides. On regardera. Bienvenue au premier épisode des sorbets du caractère mou. Tabarnak. Salut Stéphane. Dis-les si ça te tente pas, Calis. Salut Stéphane. Allô Mathieu. C'est quoi la recette qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on cuisine un pâté de foie gras. Donne-moi les peanuts. Il n'y a pas de peanuts. Hey, bienvenue au sorbet du caractère mou. Voici notre semblant de premier épisode. On est Mathieu. Je pense qu'il ne faut pas être trop self-conscious sur le fait que c'est le premier épisode. Ouais, non. C'est vrai que ça va devenir plus assommant que d'autres choses. Ouais, c'est ça. C'est genre, on le sait. Genre, les gens vont être capables d'arriver à la conclusion que c'est la première fois. Ça, c'est comme une vraie première fois. La fille, elle le sait. C'est la blague de mon oncle, c'est tellement parfait. Est-ce que j'ai envie de tout garder ça? Oui, moi aussi. Genre, il va falloir d'où le genre un pas blooper, mais quasiment genre. Je voudrais pas un blooper, mais genre le comment ça a été dur faire la calisse d'intro. Ouais, c'est ça. Oui, genre, c'est semi-intéressant, genre. Au pire, le mettre après le jingle. Mais de à la fin, moi je pense. Ouais, c'est ça, exact. Genre, tu finis sur ce qu'on avait, tu fais la toune, après ça coupe, pis t'as comme. Toutes nous autres qui chiolent à parler de refaire l'intro. Puis juste ça justifie de pourquoi que ça va sonner un peu tout croche. Ouais, mais ouais. Ça, je garderai pas ça. Non, c'est ça. Parce que là, c'est over-explaining le concept. Ouais, c'est ça. Hey, on pourrait juste faire genre... genre comme, salut Stéphane. Puis là, tu fais genre, hey, t'es qui toi? Ou quelque chose de genre, tu sais, t'es qui toi pour me dire ça? T'es qui toi? Hey, tu veux faire un podcast avec moi? Non, mais genre. Allons-y, gambadon! Ça me fait rire, genre, t'es qui toi? C'est-tu? Non, chier, Calis. C'est ça, va chier, Calis, t'es qui toi? Tu sonnes bien le cul, va donc chier, t'es qui toi? Sais-tu, ça serait drôle en esti que dans le fond, l'intro qu'on garde, c'est l'original qu'on a fait au début parce qu'on fait comme. C'est tout croche, mais ça marche. Ouais. Parce qu'on se présente. On parle de Gent, on lit les reviews, c'est quand même, il y avait quelque chose de comique. Là. Ouais, ok, j'avoue. Là. Mais je te dis ça, ouais. J'en enregistrerai un autre pareil pour être safe. On peut essayer de le refaire. Je sais pas à quel point. Je vais essayer d'aller voir les stats puis le review. On peut pas refaire des affaires de même. Ouais, ça paraît, on l'a fait tantôt avec ton anecdote de... Mais c'était correct, ça a marché. Non, ça a passé, mais tu sais, moi, je le sentais que c'était refait, puis ça me gossait. Là. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai de la misère avec ça, puis j'ai remarqué des fois que j'essaie de refaire des affaires aussi. Puis... C'est du showmanship! Ouais, mais... Tu feras un montage de toutes mes rottes, man. Comme t'as... Ouais, je vais te faire roter, puis par-dessus, je vais chanter. Mais je veux... Mais il faudrait être capable de juste faire au moins un intro clean, là. Juste au cas où, là. Ok, on le fait celui-là. Vu qu'on est dans le mood, là. On le fait celui-là. C'est là Bienvenue. Que ça se passe. Bienvenue au premier épisode des sorbets du caractère mou. Salut, Stevan. Allô, Mathieu. T'es qui, toi? Moi? Non, mais pour vrai. Juste peut-être, genre, c'est un peu comme. Ça sort un peu de nulle part, c'est un peu pas de direction. Peut-être juste introduire on est qui. T'es qui, toi? C'est qui, Stéphane? Go. J'aime pas ça expliquer. Je pense que c'est ça qui marche pas. On se présente individuellement. Ouais. Puis genre, il y a quelque chose comme. Il y a beaucoup de trucs qu'on peut dire en guillemets comme en commun. Jusqu'à ce que ça split animation jeu ou je sais pas trop, tu sais. Ouais. C'est parce qu'on parle beaucoup on étudie ensemble, on a fait ce jeu-là. Ouais, c'est vrai. OK. Tu sais, fait qu'on c'est peut-être ça qui c'est peut-être moins comme moi, je suis une genre, carotte. Okay. Genre mettons bienvenue au premier épisode des sorbets du caractère mou. Quelle idée ça te tente pas hein. V'là... ouais, c'est ça. V'là 5 ans, on a non, ça a pas rapport. Hein. C'est ça l'affaire, c'est qu'il faut pas Il faudrait peut-être trouver une voix de narration, genre pour le début. Il y a 5 ans, au bac en arts et sciences d'animation. Non, ça fait montage de fin d'année, man. Ah oui, c'est vrai, on a tellement eu de fun! Hey, bienvenue au sorbet des caractères mous. Là, on n'est pas capable de faire d'intro. Fuck! Hey, bienvenue. Il est maintenant 2h07 du matin. Mon nom est Pierre-Éric Frigo. Ça va être ça, man. Pour vrai, on en fait vraiment plus longtemps que je pensais. Je suis vraiment content, j'aime ça, man. Je veux l'en faire. Il y a au moins... Ah, moi aussi, sérieux, si on peut le faire weekly, je pensais... Il y a une émission d'au moins 1h15 là-dedans. C'est ça, je pensais. Ouais. Tu sais, il y a écart peut-être et demi si on est chanceux. C'est ça. Ok, on le fait là. C'est là que mais ça se passe. Mais en as-tu besoin de s'introduire? Moi, je pense que oui. Introduis-moi. Ouais, je pense aussi. Faut que tu m'introduises. Partout. Salut Stéphane, mon ami animateur. Allô Mathieu, mon ami programmeur de jeux vidéo. Fuck you, je suis pas vraiment de jeux vidéo. T'es intégrateur de... Je sais pas, moi. Je suis directeur créatif et game designer. Tabarnak. Fuck you. Veux-tu une médaille, esti? J'aime ça, cette intro-là. Non, ça va. Ah, mais excuse-moi. Je suis un prétentieux. Ouais, j'ai juste dit programmeur, excuse-moi. C'est un peu, je voulais pas. C'est comme si. C'est pas grave. Dans ça, je voulais pas te rabaisser. Tu fais plus que juste de l'anime. Je voulais pas te juste l'anime. Non, mais c'est correct. Dis animateur. Mais c'est parce que. Ce que j'aime t'sais, pas. Le, c'est le travail dégueulasse d'animateur, juste ça. Ce que j'aime pas que tu me dises que je suis animateur, c'est comme tu t'adresses à moi puis que je parle puis que c'est un podcast. C'est comme si tu me. C'est comme si j'étais l'host de l'animateur, genre. Ouais. C'est ça qui. Je pense que c'est ça qui a... Ouais, je sais pas. C'est je sais ça, pas comment. OK, c'est là qu'on le fait. Hey, bienvenue au sorbet du caractère mou, l'épisode 1. Bonjour Mathieu. Bonjour. Fuck. Pas facile un intro. Mais ouais, je pense pour vrai. Je pense que c'est important juste de s'introduire, point. Dans le sens. Vous êtes qui, vous, monsieur? Je suis pas capable de répondre à ça. Genre, t'es trop cryptique? Oui. C'est OK, aide-moi à dénouer le mystère de Stéphane. Quel est l'homme derrière cette figure mythique? Faut se présenter aussi, mais faut présenter un peu le podcast, je pense. Ouais. OK. OK! Hey! Bienvenue au sorbet du caractère. Ouais, prends pas une voix genre d'acteur de québécois d'humour. Hein. Hey, bon, c'est... Non. Bienvenue au premier épisode des sorbets du caractère mou. Allô, Mathieu. Allô, Stéphane. Ça va bien? Oui, toi? Ça va très bien. Toi, parle-moi donc de ton parcours un peu. C'est tellement genre sec. Bite the pillow. Ouais, mais imagine si on prend ces morceaux-là, pis tu sais, on part à rire comme des esclaves, t'entends son bip, pis ça part juste sur toi qui en parle. Ouais. Tu sais, il y a peut-être moyen de raboudiner quelque chose ouais, de crissement drôle, genre. Ouais. Le but du podcast, en gros, surtout, parler jeux vidéo. Les deux, on est beaucoup là-dedans. Mais sinon, beaucoup de juste conversations naturelles. Juste parler de la vie en général. C'est surtout parce que je pense que c'est le genre de podcast qu'on consomme les deux beaucoup puis qu'on aime. Ouais, exact. Fait que c'est le genre de podcast qu'on voulait essayer de reproduire. Fait que c'est peut-être pas dans les cordes de ceux qui cherchent un podcast plus comme « Ah, je veux vraiment que ce soit des chroniques puis que ça soit comme une discussion sur un sujet qui perdure pendant une heure et demie. » C'est plus comme une conversation relativement organique qui peut sauter du coq à l'âne n'importe quand. Là. Exact. Peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir des personnages. Comme Monsieur Garage? Ah non, c'est Gary le garagiste. Ah, désolé. Tabarnak, t'as tout scrappé l'intro de Gary le garagiste. Bon. Parce que là, il va falloir que je me patente un soundboard de quelqu'un qui cogne à la porte. Ou une sonnette. Allô? Tu sais, pis là, c'est ça, tu sais, ça cogne. Pis là, tu vas faire mine de répondre. Pis moi, je vais me tasser là-bas, je vais faire « Hey, bonjour, bonjour! » Pis là, je fais des bruits de pas. « Hey, comment ça va, hein? » Ça roule? Oh, toi, tu comprends les voitures! Ah, c'est parfait. Chris, hein? Ouais. Ça me dérangerait même pas d'en faire. Hein. Ouais, on fait-tu comme un dernier, genre, compté, poche, puis juste okay. Pour voir s'il y a un offset ou... Ok, 1, 2, genre, au lieu de dire 4, genre, on fait boop. Boop. 1, 2, 3, 4, boop, clic. 1, 2, 3, 4, boop, clic. 1, 2, 3, boop, clic. 1, 2, 3, boop, clic. Ouais, ok. Ok. 1, 2, 1, 3. Je m'en vais, je m'en viens avec toi, là. 1, 2, 3, boop, clic. Hey, pis mine de rien, dans ce moment-là, il y avait quand même un proto-personnage. Le premier personnage des sorbets existait, dans le fond, existait même pas. Gary le garagiste. Quel beau moment, quand même, qu'on se le dise, là. On va poursuivre avec un moment coupé de l'intro de l'épisode 33. En fait, ce qu'on parle brièvement d'alcool puis de comment que ça nous a affecté dans certains épisodes. Puis cet extrait-là va un peu devenir l'introduction de peut-être d'autres extraits en lien avec l'alcool. Anyway, on commence par ça. Bon, j'enregistre aussi. Fais donc du bruit. Hein. Ouais, c'est bon ça. T'es à peu près à combien de minutes de ton truc? Une. Okay. 45. Fait qu'une 45. Note ça, gros cave qui monte en fin de semaine. Je me parle à moi-même. Je mène beaucoup, là. Ouais. Peut-être manquer de bière. J'aurais dû m'en amener une deuxième. Ouais. Comme déjà à mi-chemin. Moi, je l'ai bu avant. Ouais, mais moi aussi, mais je voulais être prêt. Moi, c'est ça ma préparation. J'essaie de boire un petit peu avant. Pas trop. Pas que ça donne comme l'épisode 15. Ouais. Ou moins le 10. Non, 10, c'est à moi aussi. Ça, c'est genre 5 ou 6. Ouais. Je sais plus, mais l'épisode qu'on parle pendant une demi-heure de vidéos de Canal Famille qu'on voit sur YouTube. Est-ce que j'étais chaud? C'était crissement drôle, par exemple. Je l'aime, cet épisode-là. Ouais, je l'ai pas réécouté. Bon, j'ai pas réécouté depuis. Chaud, mais... Comment? T'étais chaud sur une échelle de 1 à 10? Ouais, j'étais à un 8-9. Ok. 10, c'est-tu blackout ou c'est bien sûr? J'avais essayé, ouais. Tu vois, je venais de découvrir vodka lime. Juste zeste de lime, puis jus de lime dans de la vodka avec de la glace. J'étais comme, oh my god, c'est bien bon! T'es ça pour vrai? Ouais. Ah, pis t'étais sa bière après aussi. Avant. Je me souviens, tu parlais de avant. Avant, Chris, t'étais parti, man, quand tu me parlais de bière, me semble. Yep. Non, c'était des beaux moments. À l'époque, là, cette époque-là, c'était dans le temps qu'on était vraiment bon. Hein. Ouais, c'est qu'on ça. On avait encore des espoirs. Ouais. D'avoir ça a dégénéré. Des auditeurs. Dans ce temps-là, c'était justifié que personne nous écoutait parce qu'on commençait. Là, c'est comme plus dur à justifier à 33. Plus ça va, plus c'est triste. Ouais, c'est ça, exact. À 50, ça va être l'épisode le plus déprimant puis triste qui aura jamais été créé. Ouais, ça commence en comédie puis ça finit en drame. Ben, c'est ça. Je pense que c'est ça, en fait. Là, t'sais, c'est un peu... c'est ça, notre formule. Comme voir comme un drame. Comment qu'on décrépille. Puis là, ça va finir en horreur. J'ai vite mentionné l'épisode 10, l'épisode où j'avais un peu bu, puis y a pas, pour vrai, c'était assez soft, là, y a pas grand-chose de coupé, mais tu sais, juste dans l'esprit d'avoir tout ici, voici un mini-extrait de ce qui est pu dans l'épisode 10. Caractèremou.com et @caractèremou sur Twitter. Hein? Vaut à peine de le rappeler, t'en penses? On est sur Google Play, Google Music, podcast. Ouais, on est là-dessus, nous autres. Puis on est sur iTunes. Et peut-être RZO un moment donné. Jamais. Jamais on va être là-dessus. Ouais, je pense pas. Ils nous veulent pas. Ils font ça, c'est pas de la qualité. Vous savez quoi, mon calice? Hey, mais arrête de t'évêter à dos, esti. M'a tout coupé ça, mon Chris. Ouais. Tabarnak. Je suis comédien. Je connais. Mais... Ah, c'est vrai. J'ai oublié que t'étais vieux. Ah oui, je suis 66. Je suis né en 66. Ouais. 66, ah, l'année des souffleuses. Je t'avais perdu pendant ça. Hey, tout ce que t'as manqué pendant cette seconde-là. Je sais. Bon! Fait que c'était ça, un mini-extrait inoffensif. Mais là, pour tomber dans les bouts où on l'a vraiment plus échappé niveau alcool, Mathieu, son pire moment qu'il avait eu, c'était dans l'épisode 6. Puis il en reste quelques bouts dans l'épisode, mais il y a au moins une grosse demi-heure qui a été coupée. Puis peut-être que certaines personnes qui nous ont suivis dès le début ont peut-être le MP3 de la V1 de cet épisode-là. Où est-ce qu'il y avait cette demi-heure-là intacte? Parce qu'on l'avait modifié plus tard dans la semaine quand Mathieu a réécouté puis il a fait « Ouais, non, je suis vraiment pas à l'aise, je suis vraiment trop décrissé. » Par respect pour ça, on va pas remettre cette demi-heure-là comme par magie-là, mais voici quand même un mini-extrait qui me fait encore rire et qui vous montrer peut-être un petit glimpse là, de ce qui se passe dans cet épisode-là. Alors voici Mathieu sur la vodka lime dans l'épisode 6. Ok, attends, man, oh tu vois... Ok, cette semaine, on va y aller un peu touchy. Raw. J'ai écouté The Fault in Our Stars. Ouais. Ça a été écrit par John Green. Ouais. Le frère du gars dans Clou. Clou Green. Qu'on a nommé Monster Green. I don't know. Non, mais. Man, j'ai pas. Ok, j'ai essayé. Genre. Attends! Ok, mais. Hey, man! Man! On dirait que je suis pris en otage. Hein, comme quoi, c'est moi qui avais la réputation de pas finir les épisodes pis de gosser Mathieu pour le retenir. C'est lui qui a commencé cette tradition-là en premier dans l'épisode 6. Dans le fond, je l'ai juste copié. Tout ce que je fais dans ce podcast-là, c'est copier ce que Mathieu fait. Anyway, continuons sur la thématique de l'alcool. La fois à moi où je l'ai le plus échappé, je pense que Je pense que vous savez déjà où je m'enligne. Le fameux épisode 39, où est-ce que je suis décrissé à la fin, puis je fais juste crier. Je suis tannant, là. C'est désagréable à écouter. Parce que si j'étais sûr, je n'avais coupé beaucoup de ces moments-là. Puis je me suis rendu compte, c'est pas mal l'intégrale de ce qui s'est passé, avec quelques petites coupes. En fait, le seul moment qu'on a vraiment coupé, c'est un moment de discussion, c'était devenu border trop personnel, où on parlait de masturbation, que je vais garder dans les voûtes. Mais juste pour le plaisir de vos petites oreilles, en voici un très court extrait. Non, juste la sortir par la fly? Ben oui! Non! Ben là, toi, Chris, t'es à l'aise? Mais t'es à l'aise de qui? Genre, y'a personne quand tu te croches? Mais justement, t'es bien plus libre tout nu! Mais Chris, t'as le cul, c'est le plastique de la chaise! Puis là, c'est parce que je suis sous, je suis capable d'en parler. La semaine prochaine, je vais avoir honte, là. Ben, on le coupera au pire, c'est pas grave. Non, je coupe rien, Chris, que c'est tout du gold! Hein? Qui sait, un jour peut-être que l'extrait au complet de ça va sortir dans un grand coffret pour nos 50e. Dans un coffret en forme shapé comme nos faces, en fait. Anyway, là, on tombe dans une nouvelle portion de cette émission spéciale, le Voûte du Gold. Parce que ce qui s'en vient est plus exactement des moments coupés, mais plus parce que c'est les brainstorms de sketch. Parce que, tu sais, les sorbets, c'était très, très, très improvisé, là, à 95%. Puis ce qu'on prévoyait était pas scripté, c'était juste une idée vague. Fait que tous les épisodes un peu plus concept, parce qu'il y a beaucoup de sketch, on s'enregistrait, puis on faisait juste dire, OK, qu'est-ce qu'on fait, comment qu'on le fait, puis on essayait des affaires. Puis après ça, moi, au montage, j'en faisais quelque chose de potable. Fait que ce qui s'en vient, c'est ça, en fait. Fait qu'on va commencer avec des longs extraits du brainstorm de l'épisode 50. Si vous vous souvenez, l'épisode 50, c'est un épisode qui durait 50 minutes. Puis il y avait comme un podcast normal, mais c'était entrecoupé de sketchs étranges, comme si la radio pognait mal le poste, puis t'entendais des diffusions d'autres trucs. Puis c'était des sketchs bien sautés. Ben, tu sais, tout ça, ça a été improvisé sur le coup. Fait que commençons avec un extrait de moi qui Mathieu qui pense à qu'est-ce que ça va être l'intro de cet épisode-là. Puis pour ceux qui s'en rappellent pas, l'intro de l'épisode 50, c'est. Ça commence avec une musique de méchant, puis du tonnerre, puis un petit bonhomme qui fait « Sire! »« Sire! » »« Ah! Qu'est-ce qu'il y a encore, Baron Galibert? » »« C'est une catastrophe! Les sorbets enregistrent leur 50e épisode! » »« C'est impossible! » Je pense qu'il y a un de mes genres d'univers ou sketch préférés. Bref, voici l'arrière du décor de ce sketch-là. Fait qu'on fait l'intro? Je l'ai pas... Sire! Sire! Ça va être drôle en esti, je pense. Ah, en fait, ben, en fait, ça va sûrement être pas drôle, mais qu'on le réécoute. Mais t'entends genre juste quelqu'un drôle. Courir, là. Tchic, avec le son de la grosse armure. Si! Non, c'est ça. Ça, ça change en caverne. Si! Je vais me sortir du papier pour prendre des notes. Parce que là, si on essaye plein d'affaires. Ouais, c'est ça. Je vais me garder un peu au moins des notes de savoir qu'est-ce qui est où, là. Ouais. Sinon, je vais perdre un temps fou à juste tout réécouter au complet. Ça va être mongol. Mais oui. Ouais, l'intro, comment tu. Je t'avais dit ça vite, mais toi, comment tu le vois? Ben, et ça, là. T'entends quelqu'un courir, puis il crie sire, sire. Puis là, ça change, puis il fait ou je sais pas quoi, là. Puis t'entends comme les sorbets enregistrent leur 50e épisode. C'est quoi la voix de ce petit coon-là? Au moins, on dirait que je l'entendais comme un. Sire peu... ou messire? Ah, quel qui fait mieux, man? Messire! En vrai, je l'imagine avec une petite voix, genre Pierre Lapointe. Messire! Messire! Sire! Les sorbets enregistrent leur 50e épisode! Messire, c'est une catastrophe! Les sorbets enregistrent leur 50e épisode! Une petite crise de voix de fatigant à taper dedans, là. Diantre, arrêtons-le! Bon, on étire ça un peu, genre. Je pense que ça n'a pas nécessairement besoin d'être long. Ouais. Mais faut comprendre qu'ils font quelque chose. Diantre, arrêtons-les. Commençons pas l'opération, mais... Je sais pas. Hein. Envoyez nos meilleurs technomanciens. C'est un vrai mot, c'est... Je pense pas, non. Technomanciens. Je pense que c'est mieux si ça existe pas, on dirait. Technomanciens. Est un metteur humain capable de percevoir et manipuler naturellement les flux de données de la matrice sans l'aide d'un cyberdeck. C'est un truc de Shadowrun. Ouais, c'est ça. Ok, on peut l'utiliser. Bah. C'est du canon, ça? Bah oui. On se fait attaquer vers des technomanciens médiévaux. Ouais, mais sire, sire, c'est une catastrophe. Ouais. Mais peut-être que... Ouais, sire, réaction du gros wizard. Ouais. C'est une catastrophe, les sorbets enregistrent leur 50e. Il continue-tu comme, blablabla, enclencher le plan, whatever, opération, machin, envoyer les choses. Puis là, est-ce que... Diantre! Est-ce que le petit réagit encore comme, tout de suite, maître, ou il dit-tu une autre affaire, ou... Ah, il pourrait... Ouais, ça pourrait être tout de suite, maître! Puis là, il repart à la course, hein. Et ce serait-tu drôle si... Papa! Ce serait sûr si Wizard, il prend son bain. Non, il n'y a pas rien à faire avec ça. Ça, juste des bruits d'eau, là. Ouais, je pense que ça va être plus mélangeant qu'autre chose. Ou il est dérangé. Messire! Quoi? Je prends mon bain matinal, je sais pas quoi. Non, ça ouais, mais faudrait trouver avec du vocabulaire, quelque chose qui fit avec du vocabulaire médiéval comme diantre et... Je me baignasse. Ouais. Non. Baignasse. Ouais. J'ai écrit bain. What? Ça existe? Je prends mon bain annuel. Première personne singulier de l'imparfait du subjonctif du verbe baigner. Ouais. Ou sinon, ça serait comment, tu, genre, tu me bain. Tu me. Hein, tu m'interromps dans mon bain de sang de vierge ou quelque chose genre. Ouais, non, c'est pas drôle. Que je me baignasse pendant que je me baignasse. Non, ça marche pas. C'est drôle, baignasse. Ou sinon, il parle dans des temps de verbe de marre. Messire, les sorbets enregistreront leur 50e épisode. Des chevaliers. Serions une catastrophe! Des chevaliers et des Acadiens. Ouais, c'est ça. Serions une catastrophe! Bout de crabe, non? Médiéval, juste des références de marins. Ouais. Yarr! Mais on peut, quitte à en essayer plusieurs. Peut-être qu'on le pense trop encore. Hein. Non, c'est ça. Peut-être qu'il a improvisé. Tu sais, faisons-le une fois, nature. Mais sire, c'est une catastrophe. C'est toi qui fais le petit machin, là. Bon, c'est comme tu veux. Ben, peu importe. Tu le sens-tu plus? Sire! N'importe quel, là. Sire! Hein? C'est une catastrophe! Ah, mais faut que je sois essoufflé, hein. Sire! C'est une catastrophe! Guilbou! Quoi? Je peux pas dire Guilbou. C'est le... Ouais. Guilbou! Est-ce que c'est pas grave? Walby! Baron Galibert! Baron Galibert! Tabarnak! Ok. Baron Galibert! Tabarnak. Ouais, non. Notez pareil. Baron Galibert! Est-ce qu'il dit-tu? Ah, ouais, faudrait. Pourquoi qu'il dit son nom? Ouais, je sais pas. Ah ben, pourquoi me... en fait, ça pourrait être « Sire, oh, pourquoi me dérangez-vous, Baron Galibert? C'est une catastrophe! » Catastrophe, les sorbets enregistrent leur 50e. Ouais. Là. Ouais. Oh! Les sorbets enregistrent leur 50e épisode! Diantre! C'est... Oh. Ouais. Qu'il soit maudit! Maudit! Non, mais... Ah, oh, ou sinon, nous devrons... Nous devons... Ah, oh, ça pourrait être genre quelque chose comme... Nous devons préserver l'équilibre des mondes, envoyer nos technomanciens pour les arrêter. Équilibre des mondes, je vais le noter aussi. Quelque chose comme équilibre des mondes, ou ben, quelque chose de plus fancy que ça, là, genre... Ben, équilibre des mondes, j'aime ça. Ça a le mérite d'être clair. Technomanciens. Technomanciens médiévaux. Tu dis médiévaux. Envoyez nos technomanciens médiévaux. Est-ce qu'on sait ce qu'il veut? Il veut-tu nous tuer? Il veut-tu nous empêcher de faire le show? Il veut-tu comme nous enlever? Je sais pas. On est-tu pas important? C'est pas important d'établir, mais peut-être dans le Je pense juste avec cette intro-là de même. Après ça, tu sais, ça fuck l'épisode. C'est pour ça qu'il y a plein de bouts par rapport puis tout. Puis, tu sais, on peut le ramener dans d'autres épisodes si on veut, là, de pourquoi il fait ça. Mais je pense que c'est comme ça explique pourquoi ça chie. Puis qu'on a des bouts bizarres, genre le café. Puis. Peut-être l'équilibre des hémisphères. Est-ce que ça veut rien dire? Tu sais, un esti de mot qui se veut, pas prétentieux, mais tu sais, wise. Ce qu'il dit. Des flux du cosmos, quelque chose du genre. Hein. L'équilibre des flux du cosmos. Ok. Ouais, voilà. D'accord, j'allais marquer flux des flux. Bon. Je suis plus habitué d'écrire. Hein. Ah. Des flux du cosmos. Équilibre des flux. Ok. Ah! Mais ça va te déranger l'équilibre des flux du cosmos qu'on envoie à les technomanciens médiévaux! Tout de suite, tu sais, quelque chose comme ça. Genre, ça va ou plus nous devons préserver, genre? Ah oui, excuse. Oh, c'est moi qui ai bafouillé, là. Non, mais c'est correct, mais je me demande si c'est quel est mieux. Je pense que le tien est mieux. Le mien est comme trop parlé normal. Nous devons de conserver. Ah ouais! Nous devons de conserver. Qu'est-ce que je suis plus capable d'écrire, man? C'est ridicule, il faut que je me relise. De conserver l'équilibre des flux du cosmos. Ok. Qu'on envoie les technomanciens médiévaux. À l'instant! Par courir, puis là, peut-être qu'il y a une dernière ligne, le méchant, genre. Qu'il soit maudit, c'est sorbet! Ah, puis là, peut-être un style de rire poche, là, ou. Ouais. Même pas de rire, c'est pas que les rires. Ouais, non. Je le nailerai pas, puis ça sera pas bon. Ouais, c'est ça. Fait que. Qu'il soit maudit, c'est sorbet, musique dramatique, bruit de tonnerre, puis l'intro part, là. Ouais, c'est parfait, ça. Ben, ça serait okay. Ça, j'essaierais de trouver une toune dramatique, des bruits de tonnerre, genre, tu sais, comme si on imaginait qu'il y avait le gros plan sur son château. Après ça. Il y a quelque chose qui fait qu'on comprend que c'est à l'intérieur, fait que on entend le petit courir. Ouais. Fait que, okay. Ah, c'est malade, man! Ok, enregistrons. Fait que take 1. Sire! Sire! Ah! Vous me dérangez, Baron Galibert! Qu'est-ce qui se passe? C'est une catastrophe! Les sorbets enregistrent leur 50e épisode! C'est impossible. Non. Nous devons de conserver l'équilibre des flux du... Nous devons de conserver l'équilibre des flux du cosmos. Qu'on envoie les technomanciens médiévaux! Et que ça saute! À l'instant! Qu'ils soient maudits, ces sorbets! Qu'est-ce que c'est mauvais? C'est pas bon. Ah, mais ben, c'est la. Avec genre. Plein de fonds, je pense, ça va être parfait. Oh, qu'on le refasse une fois au moins. Je pense qu'on va le nailer. Hein? Ouais, je pense pour ce que. Ben, j'aime pas ma réaction. Baron Galibert, j'ai pas aimé comment je l'ai dit. Ah, ouais, c'est vrai, tu l'as hésité. Ben, ok. Ben, je l'aurais monté. Ouais, on va refaire une autre. Je sais pas quoi dire, on dirait. Ouais. Vous pas vous me déranger. Qu'est-ce qu'il y a encore, Baron Galibert? À quoi bon? Non, c'est... gars, il est juste trop déprimé. Il fait juste répondre à des trucs comme « Pourquoi pas mourir? » Ça fait rapport. Ok, ouais, comment? Ben, je veux dire, genre, qu'est-ce qu'il y a encore? Je sais pas trop. Ah, ok, ouais. Ben, c'est bon, ça. Sire! Sire! Qu'est-ce qu'il y a encore, Baron Galibert? C'est une catastrophe! Les sorbets enregistrent leur 50e épisode! C'est impossible. Nous devons de conserver le flux. Les flux. L'équilibre des flux. Tabarnak, c'est compliqué cette phrase-là. Pas Pierre Lebeau, hein. Nous devons de conserver les... C'est 6 mots aussi. Ouais. Nous devons de conserver l'équilibre des flux du cosmos. Qu'on envoie les technomanciens médiévaux et que ça saute! Sur le champ! À l'instant! Qu'ils soient maudits à jamais, ces sorbets! Ouais, okay. Mais non, ça va être bien correct. Je dois voir de quoi là-dedans. Je veux dire 11 à 22 à 14. Je fais le temps, tant qu'on assume que c'est Colomb et qu'on le fait pour vrai, c'est genre. Ouais, c'est ça, ça fait. Ça va être correct. Le tombe. Parce que ça se sent aussi, genre, le. Quand on l'assume ou pas, là. Je pense. L'affaire avec Attack Word, ce qui est wack, c'est genre. On est awkward parce qu'on a peur de se prendre au sérieux et que ce soit pas bon, mais ça fait qu'on est awkward, ce qui fait que c'est. On a l'air. Genre, ça fait que c'est awkward, tandis que si on fait juste l'assumer puis on le fait, ce serait pas awkward. Ça serait juste pas drôle, mais c'est pas awkward. Ah, c'est ça, hein. C'est tellement ça, en plus, ça rajoute tellement des layers pour rien. Ouais. Que mon chat est gosse, j'espère qu'on l'entend pas tout le temps dans ma voix. Hein. Ok, fait que j'ai ça. Intro cire. Ouais. Hein, fait que parle-moi de ça, briser la magie, puis montrer tout ce qu'il y a autour du montage, puis faire comme, hé, Chris, hein, ça, il sonne rapide, puis finalement, ça leur prend une heure et demie de trouver quoi dire dans 40 secondes. Fait qu'on poursuit encore avec l'épisode 50. Ce que vous venez d'entendre avait été enregistré, puis dont une grosse partie de l'épisode avait été enregistré le 11 mai 2017, mais on avait enregistré ça en deux semaines, fait que la semaine d'avant, soit le 4 mai, on avait déjà pris, puis je pense que c'était après l'enregistrement d'un autre épisode, mais on avait déjà commencé à improviser d'autres sketchs. Fait que dans le même esprit, on va entendre parler du sketch du gars qui compte ses doigts. 1, 2, 3, 1. Du gars qui commande un beignet. Je prendrai le beignet. L'autre gars qui cherche sa sœur Ingrid. C'est alors qu'il me décrit sa sœur. Elle a des cheveux bouclés, noisettes, un teint rose, un air espiègle, la taille d'une guêpe. Puis d'un espèce de sketch que finalement on a un peu coupé ou réduit, d'espèce de sketch à l'infini qui finit plus là. C'était compliqué à monter là. Anyway, on poursuit avec ça. Les 10 doigts. Ah! Hein? Ouh! J'ai encore tous mes doigts. Mais faudrait que ça commence, genre, la fin des... Ah ouais, j'ai tous mes doigts. Puis là, il y a une musique qui commence. Mes doigts! Non, mais quand t'as super long, quand même long la musique, puis là, ça fait... Mes doigts! Justement, comme... Ah! Avec des bruits d'enfants qui pleurent après, puis de la distorsion. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, oh, je voulais pas le tuer! Des bruits de sirène, des bruits de bébé. C'est, le problème, c'est 7 10 doigts. Tu sais quoi, ils ont coupé ou je sais pas quoi. Non. Parce, je pense qu'il va falloir en faire beaucoup de merde. Ouais. Il va falloir que je pige là-dedans. Fait que c'est correct d'essayer des affaires. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est le truc des beignets. Là. Ouais, ouais. Je vais faire la serveuse. Faudrait que ce soit moi qui commence à parler. Ouais. Vu que c'est plus. Puis la serveuse, c'est une sorte de petite voix de fatigue. Ouais. Ah, oh, mais là, si tu veux que si tu veux que t'as bang. Ok. Bon matin. Je prendrai le beignet. Ah, tu veux qu'on bang. Attendez. Ah, ouais, non, ça recommence. Attendez. Je prendrai plutôt le café. Ah non. Toutefois, non. Ah. Finalement, j'opterai à la fois pour le beignet et le café. C'est quoi ta beigne, tu veux? Prendrais le beignet. Ah! Ah mais moi, je l'ai raté. Attends. Mais là, c'est quoi ta beigne, tu veux? Je prendrais la roussette au miel, s'il vous plaît. Attendez. Crème Boston à l'érable. Ouais. Tu veux dans ton café, veux-tu un lait de sucre? Je suis intolérant au lactose. Je vais leur dire. Je suis intolérant au lactose. Mais un soupçon de lait n'a jamais fait de mal à personne. J'opte pour le lait. Top, tu t'en veux! Ok. Dis-moi un prix. Ah, ouais, c'est vrai. Ça va être 4 piastres! Ah, ça existe pas comme... C'est comme prix, attends. Ça va être 4 et 23. Ah, c'est pas drôle, hein. Cette voix-là. Un peu dispendieux, mais... Ouais, c'est ça, j'allais dire de quoi même, je cherchais quoi dire. C'est bien au-dessus de mes moyens, mais... Depuis le décès de ma famille, qu'est-ce que j'ai à perdre? Allez. Voilà 5$. Gardez la monnaie. Merci. Je suis parti donc avec mon café et mon beignet. J'ai pris la sortie. J'ai pris la table. J'ai pris la poubelle. J'ai pris les fenêtres. J'ai pris les planchers. Tout le contenu du restaurant dans mes bras. J'ai tout pris. J'avais tout perdu. Mais j'avais acquis un restaurant. Tabarnak! Nice! Il va nous en falloir des punchés, mais je pense qu'avec ça, genre, ça va bien marcher. Hein. Je sais pas. Ah, ouais, c'est ça, j'allais dire. Ah, oh, ce serait drôle qu'on entende la fille après, genre, hey, mets-moi à terre, tu sais. Mais juste, genre, tu sais, rendu là, c'est. Faut même pas. Je pense que c'est plus drôle s'il y a pas de joke. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est mauvais? Mais je sais pas, man. 50 minutes de ça, ça va être l'enfer. Ouais. Mais bien monté, puis avec des effets, ouais. Là, puis des astuces d'affaires whack, là, ça va être hot, là. Ouais, c'est ça. Tu vois, tu sais, on aime trop ça, puis c'est rendu juste ça, les sorbets. Ben, moi, je pense le monde va haïr ça, que le tabarnak. Ah, je sais pas, hein. Moi, j'ai hâte de voir, parce que moi, c'est le genre de truc que je préfère. Genre, j'aimerais qu'on s'en aille plus vers ça, genre. Tu sais, tant qu'à être... pas d'en mettre plus, là. Tant qu'à être plus sérieux, là. D'être plus sérieux dans le sens dans le faire le podcast, hein. Ouais. Non, ouais, ouais. Genre, tu sais, je verrais pas aller plus sérieux qu'en gardant pile poil ce qu'on fait, mais ça, c'est nice. C'est plus mon le genre d'affaires que j'aimerais. Fait qu'on improvise une situation vite, première fois qu'on pense. Ok. Non. Attends, faut que je me trouve une boxe. Oh non. Je n'ai plus d'eau. Attends. Il m'en reste un peu dans ma gourde. Voilà. Oh merci. Vous me sauvez la vie, jeune étranger. Que faites-vous dans les parages? Je cherche ma sœur. Ingrid. Je la cherche depuis 2 jours. J'ai peur. Il se tourna vers moi à ce moment et je vis dans ses yeux le désespoir et la vérité de ce qu'il me disait. C'est alors qu'il me décrit sa sœur en détail. Elle a des cheveux bouclés. Rose. Ouais. Il va faire ça. Elle a des cheveux bouclés. Noisette. Un teint rose. Un air espiègle. La taille d'une guêpe, l'intelligence d'un renard, la gaieté d'un pinson, l'arrogance d'une fleur. Je crois bien avoir vu un être aussi délicat passer dans les parages il y a moins de 3 heures. Mais je crois que si vous allez au nord, vous trouverez l'objet de votre quête. Il me regarda dans ce... Oups, excuse. Non, c'est correct. Je voulais que tu fasses ça aussi, mais je veux juste réagir. Puis... Ah. Le Nord. Vas-y. Il se tourna vers moi et n'eut pas besoin de dire quoi que ce soit, pas un mot sorti de ses lèvres. C'est ta voix, qu'est-ce que mais... c'est? Mais... Tu sais, plus ça va, puis elle est molle. Il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Plus ça va, plus il est mou, là. Fait que là. Il est allé dans le nord. Est-ce que je peux, ça me faisait okay. Il se tourna vers moi et je vis dans ses yeux la reconnaissance. Il n'eut pas à dire un mot. Je vis que je venais de changer sa vie à jamais. J'ai part à l'instant chercher ma sœur. Vous pouvez garder ma gourde. Je vous remercie amplement. Non, attends. Je ne vous remercierai jamais assez. Merci. Merci. Merci. Oh, ça serait malade. C'est beau que d'être merci. Non, ça mais ça serait malade que ça soit genre... Tu l'entends comme si c'était dans un cinéma, cette affaire-là. Puis là, à un moment donné, il faudrait entendre 2 personnes qui se parlent genre « C'est tombé plat, tabarnak! » Oh, merde! OK, mais c'est ça. OK, je fais ça, OK? Je vais prendre le bout que je dis merci, puis c'est une boucle. Ça arrête jamais. Ouais. Puis là, t'es... Ah, mais c'est genre, c'est donc ben plate, calice. C'est le bout le plus touchant. Ok, ok, on fait ça. C'est trop drôle. Là, on imagine, c'est merci en boucle. Ouais. Tabarnak, c'est donc ben long. Tu comprends pas. Tu comprends pas ce qu'il vient. Il va retrouver sa sœur. J'ai jamais vu un film aussi touchant. Je pense que c'est assez de finir là, genre. Je pense, je sais pas quoi dire comme blague, à moins que ça soit genre crissement comme vulgaire. Hein. Ah, bah, fait juste, ah, je vais aller pisser. Peut-être qu'on se rend, on le suit jusqu'aux toilettes, genre. Ah, oh, ok. Ah, oui. Qu'est-ce que ça okay. Serait? Ok. Ah, Chris, je vais aller pisser. Puis là, on entend une porte qui s'ouvre. Zip. Puis là, faut penser à de quoi, man. Faudrait que ça soit l'intro d'un des personnages, genre. Ah! Oh, il va écouter, genre, quelque chose sur son sel, puis... Ou je sais pas. Ah non. Ça va être dur de décrire, genre, comme, non, oh, qu'est-ce que c'est mon sel. Faudrait que ce soit un dude à côté qui pisse. Hein. Ouais. Ah, je sais pas. Attends, c'est quoi que ça pourrait être? Il pisse? T'as un beau pépi, ça? Ouais! Non, ça, j'ai pas, tu sais, on dirait que c'est trop facile d'aller là. Hein. Ouais, c'est ça. Beau pépi. Ça finit pas, ça fait je pisse à l'infini comme. Hein, on calisse. Hey, non, mais tu penses-tu qu'on serait capable de. Oh, faudrait y aller dans. Genre, c'est comme si c'était un niveau à chaque fois, ça commence, tu sais pas que c'est un film. Là, c'est eux qui se parlent, là, c'est. Genre, tu vas aux toilettes, tu pisses. Faudrait quasiment genre, entendre la radio ou quelque chose du genre. Comment ouais, qu'on genre, justifie, le... ça va être dur de. Ouais. Parce que là, il va pisser. C'est pas encore clair que c'est un cinéma. Ça peut être aux toilettes. Ben, le son de la. Ouais, mais ouais. Je l'affecterai pas trop pour pas que ça gosse. Ouais, mais faudrait quand même comprendre si t'entends le reel ou quelque chose du genre. Là. Au fond, là, j'essaie des affaires. Ouais. Pis tu sais, là, il se parle, tu fais comme, ah, ok, ouais, je suis dans un cinéma. Mais faudrait que ça soit dans quelque chose au pire, là. Il se réveille, non? C'est genre une boucle sans fin. C'est toujours lui qui se réveille. Ouais. Je rêvais que je pissais. Ou c'est, ah, mais non, il pisse, t'es comme. Oh! À chaque fois, c'est le temps. Qu'est-ce qui se passe, man? Puis genre, tu sais, c'est. Puis là, il ferme la télé, genre, t'entends. Puis là, c'est deux personnes qui se parlent. Ouais, je vais aller pisser, man. Je sais pas, ça serait. Ça... On serait-tu capable de le rendre clair? Ah, c'est ça, je me demande comment je fais ça avec juste du son, genre. Visuellement, ouais. Ça serait tellement facile, mais. Oh! Ok! Il pisse crissement fort. Puis là, t'es comme. T'entends quelqu'un qui dit. C'est bien fort ton son! Puis là, il baisse le son de la pisse. Puis là, il ferme sa télé, genre, fait que t'arrêtes le son du pipi. Peut-être que ce serait le son, au pire, le son du MacBook, là, que. Tu sais, le volume qui baisse, là. Ouais! Oh! Est-ce-tu parfait, man? Fait que là, t'as la piste vraiment trop forte. Y'a quelqu'un ouais. Qui réagit. Ouais. Genre, Chris, c'est bien fort, le son de pisse! Là, t'entends comme une souris, un clic, ou genre. Ouais, mais ben, le non, son pas de souris, du Mac, c'est le MacBook, c'est dessus. Ben, ouais. Puis ça l'enlève, ça enlève la piste. Ouais, ça après, ça commence la piste. Sur d'autres choses, hein, c'est ça. Un... Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est un autre sketch. Ben, un sketch. Ouais, c'est ça. Ouais, mais un autre. Ah non, ça va être hot, là. Parce que c'est drôle qu'il y ait des liens comme ça. Puis au pire, quand il n'y en a pas, tu sais, tu fais juste un clusterfuck, là. Moi, si ça me fait rire qu'ils disent merci en boucle, là. Ah, j'ai déjà hâte de t'abonner avec ça. Là. Parce que je suis content d'en avoir un peu d'avance parce que je pense que ça va être long à faire, là. Ouais, je pense aussi. Puis je pense fait que c'est pas le genre de truc qu'on est capable de faire d'une shot. Non, c'est ça, fait que c'est correct de ouais. D'essayer des affaires, qu'au pire, quitte à se prendre deux fois la semaine prochaine. Ouais. Mais on peut faire la boucle là, si tu veux. Mais genre, de continuer un ben, peu. Ben, ce qu'on si on est inspiré, c'est drôle qu'on soit inspiré là ou qu'on l'était pas pendant ouais. Un épisode de temps. Mais c'est pas la même chose. C'est non, pas, non, c'est ça, c'est complètement d'autre chose. Ouais, ça, c'est plus créatif. Mais, ok, fait que là, ils pissent, ça fait le ploup, ploup, ploup. Eux, qu'est-ce qu'ils font, genre? tu sais, genre... Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Genre, sont en mission d'espion ou je sais pas quoi. Genre, sont... ben, il y en a un que c'est une sonnerie. Non, ça serait trop. Oui. Ouais, faudrait qu'il y en a un que ça soit genre une sonnerie de téléphone. Il est comme, man, c'est quoi ta sonnerie? Puis là, il répond, ça arrête ce qu'il est en train de dire ou quelque chose du genre. Est-ce que ça serait pas clair, là? Ouais. Ah non, ça va être ben trop. Ça, je le vois pas, là. Ouais. Genre, je suis pas. Je saurais pas comment le faire pour que ça soit clair. En même temps, c'est pas grave si c'est pas clair, mais. Ouais. Ok. Mais là, on a trois niveaux. Faut juste. Ouais, là on faudrait est rendu. On monter genre à 6 ou 7. Il y a un MacBook, là. Ouais, c'est ça. Là c'est quelqu'un, c'est un MacBook. Puis là. Fait que ça peut être n'importe quoi, là. Ça peut être quelqu'un qui appelle quelqu'un. Ouais, ouais. Ça peut être quelqu'un qui parle à une autre personne dans une pièce. Ah ouais! Ça peut être. Ouais. Ça peut être un professeur, ça peut être un cours, genre. Ah ouais, en fait, là, ça peut être n'importe quoi. C'est il fait juste le baisser, puis il y a un téléphone qui sonne. C'est peu importe, là, c'est... ben, peu importe. En fait, on peut entendre quelqu'un qui se lève d'un lit, genre, puis qui va, je sais pas, qui va dans son frigo. C'est genre ça, c'est un film c'est d'horreur. Fruits, c'est les fruits, puis qui parlent. Ou c'est ah, un film d'horreur, t'entends... t'es comme... Ah! Ok, mais là, on a le MacBook. On va partir du MacBook. Ouais. Mais ça pourrait être une fille qui son Mac, elle se lève pis elle fait de quoi? Pis ça, c'est un film aussi, genre. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Ouais, ça pourrait être ça. Pis elle se lève, ça prend, on dirait que ça prend comme un. Juste un déclencheur pour que la personne qui vient de baisser le volume, elle fasse de quoi? Ah, mais ou a réagi à... Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, mais ça pourrait être juste... C'est bien fort, ça, je suis au téléphone. Pou, pou, pou, pou, pou, pou. Puis là, ah, t'entends la fille parler au téléphone. Faudra... Ah. Ouais, la piste va être vraiment longue. Ouais. Là, de loin, là, on l'entend comme marcher. Il va falloir que je taponne, là. Elle marche. Ouais. Tic. Puis là, la conversation continue. Ouais. OK, ouais. On le fait là? Ou... Ouais, ouais. On peut l'essayer. Au pire, tu sais, on peut se permettre de réenregistrer des trucs, ouais. Là. Ouais. Ok, tu fais qui? La fille qui va répondre à la porte ou ben elle qui parle du téléphone? C'est toi qui étais allé pisser. Fait ouais, que, moi j'étais allé pisser. Fait que je vais parler pour que ça fasse okay. une alternance, là. C'est la nuage. Ben je vais dire, excuse. Genre, pis pou pou pou pou. Toi, sois la fille qui veut baisser le son, moi je vais être la fille qui baisse le son. Ou je peux juste faire, je suis la fille qui dit que c'est fort pis qui y va, genre. T'entends des bruits de pas? Parce qu'on dirait que... On dirait que le focus, le sujet, c'est genre la fille qui baisse le son, juste okay, que c'est elle qui le fait, genre. Ok. Je pense. Ok. Je pense, ouais. C'est compliqué de faire ça, Carlis. C'est malade, j'aime tellement ça. Ok, attends un peu. J'enregistre encore, ouais. Je fais... Ouais, moi aussi. Mais il faut enregistrer, il faut garder ouais, ça. Ouais, c'est bon. Je fais la fille au téléphone. Ouais, mais okay. On focus-tu sur elle ou. Non, on focus sur l'autre. Parce que ça sert à rien qu'elle s'aille au téléphone, au pire. Ouais, non, j'avoue. Tant qu'à ça, y'a pas besoin de deux personnages. Non, pour mélanger ouais. pour rien. Ben oui, parce qu'elle dit de le fermer et toi tu le fais. Toi tu le baisses. Ah, ouais, à moins que tu sois la fille qui. Tu suis la fille qui dit de baisser le son, genre. Ouais. Mais c'est parce que ça, c'est l'affaire, c'est que ça demande. Tu sais, si t'es la fille, on dirait qu'il faut que tu sois à sa position, si on veut, elle est plus loin du portable. Fait que. De l'ordinateur, fait que t'entendrais le son plus loin, mais on l'entend direct. Mais ce faudrait. Ou elle s'approche. Ouais. Tu sais, on l'entend en pleine conversation comme. Ouais, ça je disais, puis là, attends un petit peu, là, je vais baisser ça. Là, la voix est claire parce qu'elle est proche. Ouais. Là, on a déjà une transition de conversation. Ouais, j'avoue, ça pourrait être ça. Ou t'entends le téléphone. Ah, oh, mais ça peut être juste ça. T'entends le téléphone sonner. Ah, Christ. C'est fait. Ah, ben oui, clair. Ok, c'est ça. Ouais, ok. T'entends le téléphone sonner. Mais faudrait que la piste ait aussi un genre de fond de radio de toilette. Genre, tu sais, de Rouge FM ou je sais pas quoi. Puis t'entends que les deux sons baissent. Je pense que si c'est juste la piste, tu vas être comme quoi? Elle baisse la piste. Parce que c'est un room tone pis tout de toilette. Oui, mais c'est toute l'ambiance de la salle de bain baisse. Hein. Ouais, c'est ça. Okay. Ça devient l'autre, là. C'est ça. Ouais. Moi, c'est le même que je le voyais. Ben, là, que je l'entendais cool. dans ma tête. C'est bon. Okay. Ok, fait que go. Ça sonne. Allô? Qui parle? Maman, je veux pas qu'on en parle. Je suis libre. Ah, c'est drôle qu'il y a juste une voix qui a aucun lien par-dessus en écho, là. Ah! Non, mais toi, genre, dis quelque chose genre « Je suis une femme libre maintenant. Je vole de mes okay, propres ailes. » Ok, tu me souffles des lignes. Oh oui. Mais, ah, oh, qu'est-ce qu'il dit? Maman, s'il te plaît, je suis libre maintenant. Est-ce que je sais pas où je m'en vais? Mais faut trouver la suite. Je pense que ça va aider. Faudrait-tu, un moment donné, qu'on retourne dans un cinéma? Man, qu'est-ce qui se passe? Ou c'est le truc de maman, pis on l'entend pas, fait que c'est juste elle qui fait maman, pis là, elle fait comme... Ah, attends, j'ai une autre ligne. Puis là, il y a une conversation avec une autre personne. Faut pas que ça reste juste une personne one way. Ou ça l'aille quelque part. Ou sinon, il y a quelqu'un qui sonne, puis elle va à la porte. Là. Genre, oh, je dois te laisser, maman. Gary est arrivé. Ok. Ok, go. Ding dong. Attends, je dois te laisser. Ça sonne à la porte. Je te rappelle. Bye. Qui c'est ce con? Je sais pas. Je s'entendais pas. Bonjour. Bonjour madame. Oui. Vous aviez commandé de la pizza. Je n'ai pas commandé extra de pizza. Extra saucisse. Monsieur, c'est. Oh. C'est un porc. Oui. Puis c'est genre après l'autre niveau, c'est la mère qui rentre du le petit gars genre. Qu'est-ce que t'écoutes? Ah, okay. La grosse musique de porno, genre. Ok, ben ok, extra saucisse, ok, fait que moi, faut que je réagisse différemment. Attends. Ouais. Vous aviez commandé de la pizza extra saucisse. Oh! Vous me connaissez bien. Allez, rentrez, beau gosse. Qu'est-ce que t'écoutes? Là, faut que tu fasses le petit gars. Maman! Maman, c'est pas ce que tu crois! Mais là! C'est un film de fête, ça? Mais non, c'est pour l'école, c'est pour mon cours de FPS, maman. Ah, mais après ça, je sais pas où aller. Je pense qu'on pourrait pas faire une boucle infinie comme ça tout le temps. Non, ouais, c'est on ça. On va avoir trop de la misère. Puis on passe trop vite d'un truc à l'autre, on profite pas de la transition. Là. Ouais, j'avoue. Mais faudrait... Ouais, ouais. Ouais, j'avoue. Faudrait peut-être l'étoffer plus longtemps un peu. Ouais. Ben déjà, d'avoir une idée, au pire, tu sais, si t'as la transition, tu remplis le milieu, là. Mm-hmm. Puis à un moment donné, ouais. Si tu peux plus transiter, puis c'est plus clair, ouais. Là, tu fais n'importe quoi, là. Tu mets de la ouais. Statique, puis tu mets de la musique, là. C'est pas grave si... Ouais, c'est ça. Tu sais, tu peux... Tout se fait, là. C'est ça qui est... Ouais, c'est ça. Mais ok, mais comment on le finirait, genre? Par un poème, je pense. Un poème crissement trop dark puis dépressif, là. Ouais. Ou un rap. Oh non. J'aimerais crissement ça. Ça le gâ... Moi, je trouve qu'il y a trop d'efforts là-dedans. C'est trop... Ça peut trop être cool, genre. Faudrait juste le finir correct, genre. Ouais, imagine un vrai bon rap. Genre, un rap sinon, avec c'est... un petit flow de la mort. Ou c'est genre... Ça finit, mais c'est la suite, tu sais, dans le sens de « Oh, maman, laisse-moi, je vais écouter... J'allais écouter, je sais pas quoi, genre, mon émission, mon podcast préféré, puis là, il met, puis ça continue le show, genre. » Tu sais, trouver une transition de même, là, qui continue sur après, c'est plus le truc en boucle, mais t'es comme « What? » Où es-tu? Ouais. on dirait que trop de transition, on dirait que ça brise l'effet, hein. Ouais, c'est ça. Donc, là c'est sûr qu'on les raconte, fait que c'est comme on dirait qu'ils se passent tous dans la même minute. Là. Ouais. Mais comme au cinéma, je peux le faire pisser pendant 2 heures, man. Mm. Ou non, je pense trop long, ça serait long. Ça serait lourd. Non, je vais jouer avec, là. Ouais. Je vais le mettre que ce soit juste assez long que tu fasses comme... Chris, donc bien long, mais pas assez long que tu fasses comme tabarnak. Sinon, en dehors de ce book-là, y a-t-il d'autres choses que... Je commence à être fatigué. Ouais. Ouais, bah, je vais t'envoyer ça, au moins. On a comme... On a quoi... 5 minutes? Genre, pas plus que ça. Hé là là, j'espère que vous êtes pas tannés d'entendre les affaires de l'épisode 50 parce qu'il me reste un autre extrait. On retourne le 11 mai 2017. Dans le fond, on se retrouve au même moment où on a enregistré l'épisode. Donc, on a nous qui enregistre la fin de l'épisode avec le baron Galibert, ces affaires-là. Nous qui discutent de comment justifier la statique puis les extraits qui pop dans le lore de l'épisode. Puis on refait aussi. On invente le segment des pubs de jeux de mots. Dans le fond, c'était juste, ça a été trouvé sur le coup, c'était même pas prévu. C'est tellement cool que ce soit autant organique, parce que c'est un de mes segments préférés dans tout ce qu'on a fait. Puis quand même, je trouve ça le fun de ces extraits-là, parce que je pense autour de l'épisode 50, c'était dans notre prime. Tu sais, je pense qu'on avait un petit following, on était vraiment beaucoup motivés, puis je pense qu'on c'était dans le point où on mettait vraiment le plus d'énergie là-dedans. Fait qu'il y a de quoi de cool de revisiter ça quand même. Fait qu'on continue avec dernier extrait de l'épisode 50. Faut penser à un autre sketch, man. Ouais, parce que là, on a l'affaire du café. On a un autre truc. On a-tu le truc, la boucle, la boucle qui recule, là? Ben, pas qui recule, mais la boucle qui, c'est tout le temps des trucs. J'ai pas écouté, trucs. Fait que je sais pas si ça marche tant que ça. J'ai l'impression que ça va être de la job en tabarnak au montage, puis que ça marchera pas. Ouais, genre, mais je vais me garder en note, là. Ouais. Mais il y avait un autre truc, genre d'un gars qui croise un autre dude dans le bois, genre, puis il parle d'une kite. Je me souviens plus c'était quoi, mais on l'a improvisé sur le coup, mais j'ai ça, je l'ai entendu tantôt des bouts. Ah oui! Il se retourna vers oui, moi. Oui, oui, et... oui, mais je sais pas si ça finit okay, ou... Ok, oui. Mais c'est ça, ouais, bref, on n'a pas parlé de ça, mais là, je veux noter 54, on commence à parler de quelque chose. Mais, ouais. Genre, comment que là, c'est beau les insérer, puis que ça coupe des affaires, mais comment qu'on l'introduit, ouais. Comment que c'est fait, quel effet... Je sais pas, on pourrait faire genre des trucs comme qu'est-ce que c'est, mon micro il arrête pas de faire des chocs, pis là ça fait dit, pis là genre ça passe sur autre chose pis ça revient après. Ça peut être aussi niaiseux de même. Ou, ouais, ou, tu sais, on est pas obligé de trop le penser. Parce que, ou on s'en rend. Ou on dit ça une fois au début. Ah, il aurait fallu le dire au début, mais je sais pas, ça se met en poste. Mais on le met une fois au début, je mets des bruits de statique, pis des fois ça revient. Ouais, ça pourrait être en transition, tu sais, pendant que t'as les éclairs pis tout. Ça fait du statique, puis ça passe sur notre... ça switch entre les deux à notre thème, puis à eux, genre. Puis après ça, quand on switch, c'est ça, c'est encore du statique. C'est genre, qu'est-ce, mon micro arrête pas de parquer, man. Puis là, c'est genre... Puis là, ça switch à autre chose. Ouais, ouais, ouais, ça serait... Fait qu'il faudrait juste commenter une ou deux fois au début sur les micros. Juste pour dire qu'on s'en rend compte-ish, mais pas de ouais, temps. C'est ça. Ça part, ça nous coupe, ça met peu importe ce qui se passe d'autre. Ouais, c'est fait ça. Que c'est l'équivalent si ça serait un autre feed, genre. Comme ça serait un autre Ouais. Radio, podcast, je pense qu'il faut... ou... Ouais, ouais, genre, lui, je pense qu'il faut juste non, pas mais penser. Je veux pas le justifier, mais tu sais, comment parce... le en fait, représenter c'est qu'il faut, à l'audition, faut assumer... à l'édition. Ouais, je pense qu'il faut, faut juste prendre une décision, c'est genre, on fait que c'est comme dans notre univers, à nous, point, puis on comprend que les sorbets, c'est, dans... c'est quelque chose dans l'univers, tu sais, dans le sens de, quand on en écoute, c'est pas toi qui l'as monté, puis c'est ça que tu donnes au monde, c'est genre... Tu sais, je sais pas si tu comprends, là, dans le sens de, tu sais, si on touche au micro pis ça, ça fait le switch, c'est toi qui, on le sait que c'est ouais. toi qui l'a monté, ce qui fait que les sorbets avec tout ça, ça devient comme un ouais, histoire, ouais, ouais. si on veut. Ou il y aurait l'autre option de, c'est dû à, tu sais, genre, on le sait pas pis c'est hacké sur le site ou je sais pas quoi, mais dans ce cas-là, ça sera pas moi qui touche au micro ou des trucs comme ça, tu sais, on n'aura pas conscience pendant qu'on en parle. Ben, c'est peut-être le plus simple parce que je peux le rajouter partout après, ouais. mais... Mais je trouve ça, ouais, mais c'est, je sais pas, je c'est pas ça, là, ouais, je sais pas, moi je trouve ça plus appealing, le on assume que c'est un univers ce qu'on fait. Fait qu'il faudrait acheter juste une patch au début, tu sais, on ben, imagine ouais. qu'on entend déjà un buzz ou un petit fuzz, là, puis là tu fais ouais. comme, Chris, man, ou moi, là, peu importe, là, mais genre, Chris, à chaque fois que je touche ouais. ici dans mon micro, check, bzz, bzz, bzz, bzz, bzz. C'est tombé ouais. bizarre, puis là tu touches une grosse fois, on entend peut-être au montage, je vais comme rajouter un 2-3 secondes de quelque chose d'autre. Tu vas le lâcher, on en revient. Non, c'est ouais. weird. Hein? Là, on continue. Puis après ça, ouais. pour une raison X, ça va revenir. Puis ces fois-là, on s'en rend pas compte. Là. Ouais. Ou sinon, ben, tu peux faire, man. Ouais, faut pas trop que je parle proche de mon micro. Ça fait des sparks, genre, comme. Là, t'entends. Ouais, ça peut être ça aussi. Des trucs comme ça. Ben, aussi, en plus. Genre, on peut en parler. Ouais. Moi, j'avoue qu'on est même pas obligé. Non, c'est ça. Moi, je l'établirai au début, puis je reviendrai pas, parce qu'après ça, au début, je pense que c'est facile ouais. à placer. Puis après ça, d'avoir le même feel, que ça paraît pas que c'est choppé, tu sais. Ouais. Ça va être plus... Mais je trouverais ça malade, même. Genre, ça, c'est comme on assume que c'est tout ce qu'on fait, il y a un lore. Puis... Ben, j'aimerais vraiment ça moi, qu'on ait là, pour ça. Vrai. Ouais, mais c'est pour ça que je préfère l'aspect, genre, on... T'sais, c'est arrivé pendant qu'on enregistre. Ouais. C'est comme une histoire. On assume que c'est une histoire. Ouais. Non, j'aime genre... ça. Ok, cool. Man, je sais pas qu'est-ce que ça fait avec mon micro, là, genre, si tu touches là. T'sais, c'est normal weird. C'était ça ouais, depuis man, tantôt, pas, j'entends man, des gens de petits sparks depuis tantôt, ça gosse. Hein. Non, je sais, mais je pense que mon chat a touché à mon fil. C'est juste quand tu taponnes dessus, tu peux-tu juste pas. Ouais, je sais pas. Mais c'est peut-être juste sur Skype, peut-être qu'on l'entend pas. Je checkerai ça au montage. Là. Ah, ok, cool. Juste noter, c'est où? ouais. 58. Moi, c'est 59. En fait, non, ouais, ça va être à 59. Ben, je vois, ouais. Tu m'as l'air, si t'es allé, tu fais toi à toi. Il va falloir, je vais aller chercher ces bouts-là avant de monter, parce qu'après ça, je vais tous les déplacer, sinon. Tu sais, imagine, j'ai tout déplacé, je fais comme, bon, mes timecodes ne marchent plus. Tu sais, je serais à peu près, mais tu sais, ça va être compliqué, là. Bon, un sketch. Statique. Parce que côté contenu, si on veut qu'il dure 50 minutes, on est assez, je pense. Peut-être pas. Ouais, peut-être un dernier segment, mais on va... Dernière patente, on peut lire un courriel qu'il en reste un. OK. Faut juste se trouver un... J'ai ça peut-être... je vais le garder pour le vrai podcast, mais j'aurai un cabaret des sous-packs. OK, mais nice. Je veux pas le mettre en podcast, ça n'a pas de sens, là. Ah ouais. Pour ça, Marmonie, j'étais pas sûr, du coup, j'étais comme... C'est-tu un sketch, genre, ou c'est... Puis je trouvais ça plus drôle de te le dire, puis tu ris comme ça, là. Mais non, mais ça fait bien, ça fait comme... C'est un vrai podcast, dans le sens, c'est mais une vraie, pense, un vrai épisode qu'on fait. Mais je pense qu'il faut que ça soit ça. C'est pour ça, moi, ouais. moi, j'aime le côté que tout ce temps-là, on établit qu'on dit tout, puis qu'on parle tout le temps de l'envers du décor. Fac! Ouais. On peut quand même... What? Ok, non, c'était Hotmail, ouais. J'ai ouvert Hotmail, puis ça a fait un son. Ben, tu sais, fait qu'on peut décider de pas tout dire, genre, ça fait, tu sais, on s'en calisse, ouais, genre, on peut choisir ouais. ce qu'on divulgue, là, c'est ça qui est hot, là. Ouais. C'est quoi qui serait drôle comme blague des, genre, c'est pas un écu, c'est un... Mm. Un genre de sketch médiéval à une table, je sais un pas. Un poodle. Ouais. Non. C'est pas un écu, c'est ta femme! Allô! Est-ce que c'est pas drôle? Ouais, non, peut-être qu'il y a bon. Des pubs. Ouais, je vais en faire une. Je vais en faire une tout de suite après, man. Ah, mais parce qu'en plus, si on n'a pas le truc de retour d'imbriqué, on n'a pas grand... On a deux sketchs. Ouais, mais le truc de retour imbriqué, là, monté, je te jure que ça dépasse pas une minute et demie. Il y avait fuck all, genre. On avait une couple d'affaires. Puis après ça, toutes les autres affaires, ils duraient quasiment 15 secondes avant de transiter dans l'autre. Genre, on avait juste pensé aux transitions, mais il n'y avait pas aucune viande. Il y a peut-être le début de ça qui était plus long. Mais je me souviens plus c'est quoi. Va falloir que je réécoute les vieux extraits dans le... Ah ouais, mais c'était l'affaire de... Et encore, quelque chose de genre, là, c'était une boucle. Ah, c'est ça, c'est comme ça que ça finissait, le style de conversation de merde, c'était une boucle. Mais je vais le garder de même. Mais c'était fucking long le début, man. Ok, avec ce bout-là, ok, fait qu'on a quand même ça, le truc, mais fait avec la boucle, pis les gars, fait qu'on peut garder la boucle, pis on peut garder les gars qui vont aux toilettes. Pis je pense qu'on peut arrêter la boucle là. Pis c'est plus facile à justifier que de trouver un autre truc. Mais c'est vrai que c'était drôle avec le son de Mac, là. Mais en tout cas, je vais m'amuser avec le montage, le dimanche, là, je vais faire des... Moi, je dirais, on pitchon n'importe quel shit, puis je vais m'amuser au montage après, puis ce qui est pas bon, au pire, je le garde pas. Puis tu sais, au pire, je garde des micro-boots, puis il y a de la statique, puis on entend juste des morceaux, là. Ça peut être cool, juste avoir des morceaux. Avez-vous vu mon cochonnet? Avez-vous vu mon cochonnet? Madame. C'est une bibliothèque, si je vous demanderais de parler sur un ton plus bas. Avez-vous vu mon cochonnet? C'est moi. Cochonnet! C'est tout. Es-tu tanné de rouler tes scènes noires avec des rouleaux à scènes noires? Ben non! Ben... Excuse, j'ai coupé. Vas-y, fais-le. Non, ben ça peut être ça, en fait, là. Ben non! Ah, oh, j'allais te faire un pitch sur quelque chose de vraiment cool. Mais encore, Lise, va-t'en. T'en veux-tu un? J'ai un sac plein de mon truc, là. T'en veux pas un, Chris, va-t'en. Mange-le! Dis que ça va te tuer. Ça va me tuer. Mange-le! Je voulais transformer ça en genre de film d'horreur tout d'un coup, genre. tu peux le tuer, hein. Ouais, c'était pas bon, ça. Au garage chez Tipeee, tu n'as rien à perdre. Ici... Ah, mais moi, je garderais juste ça, hein. Les mufflers? Pour la vie? Ah non, Je vais le noter, ça, le garage chez Tipeee, hein. Les mufflers. Muffler à un prix spécial. On peut pas trouver drôle. Ouais, pas trouver genre 4. Ok, le super muffler. Et muffler. Muffler à un prix spécial. Quand notre mécanicien change vos bougies, vous pouvez dire c'est bougile. Chris, j'ai pas trouvé quoi avec bougie. Attends. Ah ouais, non. Au garage très accueillant, après un changement de bougie, vous pouvez dire à votre garagiste: mange mon bougil. Ok, le truc plus drôle, là. Cherchez de quoi. Profitez du temps de l'attente. Non, j'ai pas. Ah, vas-y. Profitez du temps de l'attente quand on répare votre véhicule pour aller lever des alternateurs. L'autre jour, mon véhicule s'est arrêté. Puis là, il me dit que c'était le radiateur. Mais j'ai demandé: est-ce que tu le radiateurises? Ah, il y en a ça. C'est fou, j'en trouve au moins une, là. Je l'ai pas trouvé depuis le début. Vas-y avec exhaust ou windshield. Ouais, windshield un peu, dur. Pare-brise. Jouez aux cartes en attendant qu'on répare votre véhicule. Si vous jouez un 2 de pique, juste à dire que c'était un exhaust. Pas ça de la comprendre. Mais genre, comme si c'était pas la bonne carte, là, je sais pas. Là. Ah, ouais. Un next house, mais qu'est-ce que. Ah, ouais, ok. Non, mais c'est pas bon. Ok, je l'ai. En attendant la réparation de votre véhicule, profitez de notre merveilleux café Max Wexhouse. Ouais. Faudrait que ça soit genre avec la. Tu sais, une petite musique cheap, là, genre des bruits. Pou, pip, pou, musique pip, cheap, cheap, pis des bruits de garage juste. Tiki, tiki. Oh, ouais, c'est ça. Pis entre chaque truc, c'est ça. C'est genre. Pis là, c'est genre. Ah, il me faudrait, ça me fâche de pas en trouver plus, là, d'habitude, plus vite que ça, c'est le jeu de mots. C'est tellement pas drôle, mais... Des sièges chauffants? Oui, mais juste pour le chauffeur! Ouais, ok. Ah, c'est plate. Ouais, ouais. Tellement plate. Ah, non, mais... Tu vas être... Les nouveaux véhicules intelligents sont arrivés, ils ont les sièges chauffants... Ouais, ok, non, t'es pas meilleur. Non, rajoute plus de mots, voir si c'est meilleur. Ouais, non, c'est ça. Il m'en faut une, parce que ça me fait chier de pas en trouver une. Il y a sûrement un jeu à faire avec les roues, pis être roux, genre. Je suis pas roux! je sais pas. Ben, la porte hier, pis genre. Je l'ai pas apporté hier! Il me dit. Il y a une POC, c'est ta porte hier. Moi, je lui ai dit, pas juste hier, elle est là depuis un mois. C'est-tu qu'elle est plate? Ah, imagine-tu, c'est 10 minutes de ça. André, je peux en trouver plus juste pour faire un ouais. Long montage pas drôle de ouais. Juste ce petit jeu de mots de voiture, là. Oui, ouais, non, attends. Chris. Je... Attends, il y a sûrement de quoi à faire avec les roues pis dire que je suis pas gay, là. C'est-tu quatre roues? Je... Ah non, attends. Ou une affaire de... Attends. C'est moi qui aurais besoin d'un frein à main, selon ma femme. La taponne tout le temps. Un frein à main. Ah, oh, ouais. Ben oui, ok. Ben oui. J'en veux une autre, au moins, là. Depuis tantôt, je cherche quoi avec coffre à gants ou boîte à gants, je trouve pas. Ouais, je cherchais aussi, mais j'étais comme à gants bad, mais. Il y a sûrement quoi à faire avec le volant. Ah, boîte à gants bad, ça peut être drôle. Mais comme, Chris, comment que. Ouais, non. T'as sière, attends, t'as coffre, ouais, t'as pédale. Ben, pédale, vas-y, bon, ton truc de gueule. C'est ça. Non, ouais. Il m'a demandé si je voulais sentir la pédale. Il dit non, tu bien que monte ça. Ça serait insultant, coupe ça. Coupe ça. Ok, je regarderai pas ça. Là. Non. Calice. L'autre jour, le mécanicien a échappé son coffre. Il a dit check mon coffre à gambade. Non. Marche pas. Les lumières, les grosses, le hood, pare-choc. Bumper, pis un bumper. Non. Tu penses-tu me faire peur, mon petit bum? Calice. Pare-brise. Ouais. Ok. Le gars, il me dit de faire changer mon pare-brise. J'ai dit, mets-en donc un... J'ai dit, mets donc un pare-brise pas à la place. Voilà. Parfait. Bon, ouais. Ok. Ouais. Bon, on peut y avoir un dernier, genre. Pas jeu de mots, mais un dernier truc, puis on devrait être correct, là. Et depuis quand vous avez ces démangeaisons? Depuis 1987. Et vous n'avez jamais consulté avant? Trois personnes avant. C'est une longue histoire. Mais monsieur, c'est gros comme mon poing. Merci. Ouais, non, ça va. Non, je le sentais pas très bien. Je le sentais autant que Link tantôt. Mais ça... C'est vrai que ce serait drôle des trucs un peu plus magnéto, ça s'insère certainement. Ouais, mais on en a déjà deux, trois. Pas facile, ouais. Mais tu sais. Ouais. Ouais, mais. Il faut en avoir plus. Peut-être que ça prendrait une entrevue de. Tu sais, le style magnéto entrevue, on l'a pas. Genre, juste quelqu'un nous fournit une pièce okay. Qui parle de son expérience. Qui... C'est toi ou moi qui pose des questions puis qui répond. Okay. Je peux essayer quelque chose. Puis ouais. au pire donc, on switch, ça marche pas. Racontez-nous votre expérience, s'il vous plaît. Ben, je sortais à la piscine! Là, le grand calice, il courait sur le bord, il dit « cours pas ». J'ai dit « cours pas », il court. Il courait sur le bord de la piscine. Il s'est enfermé dans le tuyau de drain, il pétait à gueule sur le bord, il dit « Marnard, si la police arrive, si t'es passé, tu mis ça sur mon dos, Chris, il dit ouais, « Oui, mais monsieur, ils vont trouver en train de varger sa tête sur le sol. » Mais arrête, j'ai essayé de le réanimer, si, à la tasse pleine de sang, je voyais même plus de quel bord il avait à la bouche. Je touchais d'un bord puis de l'autre, tête toute rouge, c'est Marnard, j'ai fait « Chris », puis là, j'ai commencé à le taper sur le bord du deck, si. Vous êtes éraflé, je vous ai refait de la peinture il y a deux mois, calvaire, astique, mon beau vernis. Mais c'était votre père, monsieur. Grin, c'est rien qui a pas couru, vieux calice. Cool. J'aime mieux les couper plus secs que les étirer, là. Vu que c'est en plus, c'est du spark, là. C'est comme j'ai le gars qui. Ouais, c'est vrai, il peut en avoir ça, plusieurs, exact. Puis il dure pas longtemps, là. Ah, c'est ça, chaque ouais. sketch est indépendant. Fait c'est ça. Plus ça passe quelque chose, plus ça revient. Ouais. C'est pas de même que tu le voyais. Ben oui, oui, mais je sais pas pourquoi celle-là, c'est clair, là. C'était pas clair au début, puis on dirait qu'il fallait que je le fasse en bloc. J'ai fait ah, mais non, ça serait ben trop lourd en bloc. Non, c'est ça, exact. C'est vrai, j'ai encore le gars qui compte ses doigts. Oh! Peut-être pas le mettre au début. Ouais, non, c'est ça. Mais faudrait-tu qu'il y ait au moins une des transmissions ish là, que ça soit quelque chose par rapport aux deux personnes du début. Genre peut-être au milieu, puis peut-être même finir l'épisode avec eux, mais. Ouais, ça pourrait s'en aller. J'ai genre juste un message vraiment en cours de le gars il parle au serviteur, genre c'est oh, comment le plan avance là, puis ouais, j'arrive pas complètement à. La qualité de leur podcast on est vu égale, tu sais, dans le sens de ça n'a rien changé. Oui, ok, oui, ça. Puis quelque chose par rapport à. Ah, tu sais, vu que c'est intermittent, j'ai pas réussi à complètement altérer leur. Pas leur flux, là, mais leur. Ben, leur flux audio, ça peut être ça aussi. Ah, je sais pas si. Ouais. Juste quelque chose assez clair pour que ça soit. C'est on the nose, mais je pense qu'il faut que ça le soit parce que le monde va juste oublier qu'on a fait ça au début et que c'était juste un one truc. Ils feront pas le lien que c'est les deux sont. Ah, mais on pourrait faire. Comment le plus avancé oh, les technomanciens n'ont pas réussi ouais. encore. Les attaques par platitude audio. Ah, ouais. Les assauts de platitude audio. Là. Attends. Faut que je l'écris. Ok. Baron Galibert. Les attaques. Comment tu demandes ça comme. Tu sais, l'état de quelque chose. Ouais, je sais plus. Un peu militaire, là, genre. L'état de la situation. Par platitude Sonic. Les attaques par platitude Sonic sont inefficaces. Les attaques par platitude Sonic sont inefficaces. La qualité de leur sonodiffusion s'envoie imperturbable. Peut-être que le gros il dit quelque chose comme et doubler un esti d'affaires genre tu sais un terme qui a aucun sens qui ouais. genre quelque chose de magnétique là doubler la ouais. quel mot genre ouais. m'aller checker la page magnétique sur Wikipédia trouver un esti de mot l'ondulation méga magique genre quelque chose de même là ouais. Doubler l'ondulation. Ouais, ok. Super magique, méga magique. Je trouve ça drôle qu'ils disent méga, mais en même temps, c'est. Ouais, je sais pas. Méga magnétique, je sais pas. Ouais. Doubler la quoi déjà? Fuck, je m'en souviens déjà plus, man. Doubler. L'onde. L'oscillation méga magnétique. Doubler l'oscillation méga magnétique. Ou si tu veux, okay. Un peu compliqué encore, méga sono magnétique. Méga sono. Prenez contrôle. De leur flux. Prenez contrôle du flux, point. Ouais. Prenez contrôle du flux. Puis là, peut-être que l'épisode finit avec eux, genre. Puis c'est là qu'ils ont total contrôle du show ou peu importe. Là. Ou ça finit là-dessus, puis c'est le prochain ou quelque chose du genre. Ah, ça peut être ça aussi, dans le fond. Parce que ça finit. Parce que si on veut qu'il dure 50 minutes, man, on en a trop. Là. Ok. Bah, il va sûrement durer une heure et quart comme les autres. Ouais. Ok, ben, vu qu'on l'enregistre, puis je vais le crisser à la fin, je vais noter le time, là, c'est 1h21. Mais, ça, on peut, si on veut pas mettre de. Tu sais, dans ça, on peut plus sec, juste commencer, genre, les attaques par platitude, sans avoir de. Genre. Ok, ouais, on comprend qu'il va. Ouais, ouais, qu'il en parle, je pense. Ok, ouais, ok. Les attaques par platitude sonique sont inefficaces. La qualité de leur sonodiffusion s'envoie imperturbable. Qu'on double l'oscillation mégasonomagnétique. Prenez contrôle du flux. Est-ce que ça va rapport, mais j'aime tellement ça. Je pense que je voulais... Je pense que je veux juste plugger son nom. C'est pour ça qu'il faut que je te le demande. Ah, ok, ouais. Juste... Au rapport! Au rapport, ok. Au rapport, Baron Galibert! Ok. Alright, bon. Lui, il réagit-tu genre, oui, maître ou sire ou genre après? Ah ouais. Oui, sire! Bien sûr, sire! Là, je devrais peut-être en dire quelque chose comme... C'est maudit sorbet ou quelque chose de poche, là. Ouais. Je vais vous avoir, les sorbets! Les sorbets! Attends un peu. Ok. Votre règne du sonoportable achève les sorbets. Ces maudits sorbets! C'est parfait, ça. Nice. C'est bon, switchons à lettre, puis... Ouais, ok. On a largement une heure. Ok, mais j'ai une couple de trucs que je peux passer. Ça serait pas malade que ça dure 50... genre 50 minutes 50 secondes. Ça serait hot, hein? Ouais. Je vais voir, peut-être. Ok. Ouais. Ben, oui, il y a beaucoup de trucs à couper. Ok, mais je vais me garder le cabaret des sorbets la semaine prochaine. Ouais. Je vais tout garder mes notes à part Marmonie. Ok. Ok, fait que courrier des auditeurs. C'est dur de se remettre dedans, attends. T'as-tu noté le temps? Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Ça, peut-être que... Je suis bon, hein? 1:23. Ok. C'est cher. Podcast vrai. C'est que c'est... Je vais tellement pas me servir de cette crise de feuille-là, je comprends rien déjà. Bon, attends, c'est fait, là, l'épisode 50, on n'en parle plus, là. Ça fait genre une heure, là, que ça, là. T'assais, là. Mais dans le même esprit, on a entendu il y a pas longtemps le brainstorm des pubs de jeux de mots. Voici un autre brainstorm, parce qu'on cherche des jeux de mots désespérément pour un marché de fruits. On était avec Steve ce coup-là, puis c'était l'épisode 70. Alors, voyez comment que c'est pas facile de trouver des jeux de mots sur le coup, là. Anyway, je passe. Ouais. Hey, on fait-tu... On fait-tu des jeux de mots de fruits? Des jeux de mots? Ouais, on s'en est envoyé cette semaine. Attends, on va t'en envoyer. Des jeux de mots de fruits. Une banque, là. Non, même pas. Là, j'en ai trouvé un, puis c'était des... J'ai fait deux jeux de mots de pommes, tu sais. Pommes, puis poire. Nous, ben, il y a melon, ils me l'ont dit. C'est pomme... attends, c'était quoi? Ben, j'en ai déjà un ou deux qui me popent dans la tête, là. C'est sûr qu'on a les mêmes quatre fruits en tête, là. Pomme, banane, poire. Ouais. Mais on peut le faire, une pub de fruits. À la fruiterie, c'est la fruiterie quoi, là? Attends, Faut un call de... Ouais. Ça, c'est le bout long que tu vois qu'on travaille un peu pour trouver ce sujet-là. Ouais. Okay, la fruiterie... genre, la récolte des sourires ou quelque chose genre de Christmas Catan. Ok, ça peut pogner. Manger dans la... Ouais, j'ai juste céleri dans la tête, man. Ça n'a pas rapport. Même les céleris sont des fruits. Ou céleri fou. Ça peut... Ça peut dire une fruiterie, ça a des légumes aussi, on s'entend. Là. Ouais, c'est quand c'est écrit fruiterie, ouais. Cossin à fruits et légumes. Les fruits cossins. Des raisins. Des mûres. La fruit... Ouais, liste de fruits, c'est une bonne idée, ça. Ah ouais, faut que je sorte ça, moi, toi. C'est vrai, ça, je suis pas habitué de faire ça. Ouais, nous autres, on recherche du travail, esti. Ouais, ça paraît pas. Boy. La fruiterie, le pépin en folie. À la fruiterie... Ouais, attends. Point tagline. Hein? À la fruiterie, le pépin en folie. Ou juste le pépin. On n'a pas peur de se planter. À la fruiterie, le pépin... Pépin des bons prix. Ok, ouais. Ok, c'est ça. Ouais. Hey, j'ai-tu le temps pisser, genre, j'ai-tu le temps? Tu peux aller pépin pisser. Ah, on va trouver des jeux de mots, on attendait. Pépin de problème. quand pépin de problème, il y a friterie. Groseille, griotte, figue, date, kumquat, une jaque, pain de singe, pain de singe. Ben oui, toi. Pain de singe? Ouais, c'est le fruit du baobab. Ah, c'est-tu avec ça qu'ils font du Baileys? Pff, ananas. Vous pouvez en acheter comme vous voulez, ananas assez. Oh, t'as l'arnaque. Ananas assez. Écris-le dans le Skype, comme ça, on va pouvoir les dire après. Ok. En voilà un de feu, man. Vous pouvez en acheter pas, comme vous voulez, ananas assez. Ok. Ah, j'en ai eu un. Ah, je vais écrire dans le fond, c'est ça. Faut vraiment que ce soit genre des jeux de mots, mais forcé, genre. C'est comme, faut pas que ça soit parfait. La ligne ouais, le plus qui sonne. Ah, nice! Ah, oh, nice! Ouais. Ah, il y a le quang! La petite quang, on a passé une demi de moitié d'épisode sur le quang. Mais j'ai pas de jeu de mots de quang. Ouais, mais non plus. Oh fuck! Non, ben dur! Tout le monde vient ici, manque juste toi! Ah, wow! C'est proche, on a C'est quoi le nom de la fruiterie? Ah, le pépin. Pépin? Pépin des fruits. Le pépin de fruits. Non, ça n'a pas rapport. Merlin Pépin. C'est vraiment Ouais. Ben! Ouais. Magique comme Merlin Pépin. Kiwi, c'est quoi que t'avais sorti pour Kiwi? J'ai rien sorti pour Kiwi, c'est une astuce d'affaires plate, genre, vas-tu faire du Kiwi? C'est ce que tu fais pas, d'en écrire une de marde de même. Ouais. J'achète mes fruits chez qui? Oui, chez Fruiterie Cassin et Chose. Mais c'est bon, ça. Sorry. À la Fruiterie Cassin et Chose! On a bien plu Cassin et Chose! Non, mais là, j'ai marqué non. Ça, c'est non, placeholder rock. Non, ça m'attends. Marche, non. On a bien plus que 100 choses. Quasiment 6. Bon. Moi, je sais qu'il y a rien avec myrtille, puis... Carambole. Roseille, framboise. J'ai raison trouvé avant, je me sens incompétent. Ouais. Courbe. Corbis. Je viens d'en écrire un, là. J'ai même pas trouvé un asti, mais tout le temps. Ah bon, ça. Ouais, ouais, c'est malade. J'en veux trois. J'en veux au moins deux, là. J'en ai même pas une. Fuck. Ah, oh, Goya. Mang. N'ai vu un, il est parti avec tellement le fruit, le gars, il avait genre... non, attends. Il est parti gars, avec un petit gros ça. Panier, le gars, il avait au moins 100 fruits. Un goyave, c'est sketch, là. Ouais, ouais, si tu mets bien de l'enfant sur goyave, comme si tu vois quand tu le shoehorn en Steven Fry, ça peut être drôle comme ça. Vu que... Trois quarts du monde, ça, je sais pas c'est quoi. Je m'aime non plus, je sais pas quoi, un goyave. Le goyave avait plein de fruits. Genre, je vais le faire avec ce ton attardé là. Je pense qu'il faut. Ben, merde, là, j'en trouve pas. Tabarnak. C'est loin. Faut que ça fasse un peu pub, non? Ok, ouais. Ouais. Ben, c'est comme... mais, tu peux le twister comme... Ah, mais tu peux dire, c'est le... Ouais, c'est un mag... attends, tu sais, quand on dit que quelqu'un est pas en or, mais c'est une chance en or. Magasiner ici, c'est une chance en or, hein, Geneviève? Ouais, mais je le faisais plus comme du point de vue client qui parle à la caméra qui est satisfait, là, genre. Ben, à moins qu'on le fasse de même, c'est plus facile. Écoutez, tu sais, tu peux dire comme, écoutez les propos de nos clients satisfaits, là, ils sortent des shit de même. Bah, ok, essayons, man. Ben, même sans le dire, ça fonctionne. Fait que tu sais, juste à faire, on fait comme d'habitude l'intro, qu'on présente le truc, puis là c'est des voix qui embarquent, puis vu que c'est des jeux de mots. Fraise, on a-tu fraise? Oh man, je suis incapable, je suis blank. Fraise. C'est plus dur ça que faire de l'open mic, on dirait. Fraise. Oh, liste, c'est quand je checkais? Un poire. Mais poire, c'est facile avec pouvoir, là. C'est facile avec quoi? Genre, mettons, pouvoir, mon poire, elle est là, genre, tu sais, quelque chose comme ça. J'aime ça, poire, y aller facilement. Ok, ouais, c'est bon, ça. Ouais. Cerise, y'a-tu de quoi? C'est fruit très riche chose, on a le plus grand poire d'achat. Poire d'achat. Je pensais qu'il cerisait de moi, mais il était jaloux. On a-tu banane? Non. Ah. Alors, on a peut-être assez. T'as rien, toi. T'as rien, rien. Ben là, j'ai ça, peut-être, genre. Ils ont toutes les sortes de pruneaux. Même les prunes sables puis les prunes feu. Ah, oh, malade. Malade. Ok, prune vent, plus j'étais une casse-tête de box, moi, là. Non, moi, c'est tant de style d'affaires de même que j'ai. Genre, je peux pas regarder de le placer dans une phrase, fait que je finis par... Je change les mots dans le mot, tu sais. C'est ouais, comme fruit de la passion. T'as toutes sortes de style fruits, là, que tu peux faire avec ça. Fruit de la haine. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Fruit de la vertume. Fraise avec chose. Non, il y a juste pas qui trouve ça drôle. Qu'est-ce que tu veux dire? Je la cache pas. Frais. Frais. Chaud. Ah! Ah, ouais. Ou tiède, genre. Tiède. Ouais, ça marche pas. Bon, moi, j'y vais avec mes... Un excellent choix de citron, même si vous avez vos jambes. Nice. Ah, c'est pas bon. Ah, ouais, moi, je vais en noter pas. Quand vous êtes allergique aux noix, vous êtes pas chanceux. Ici, on a la plus grande variété de groseilles. On a même les moyens-ailes et les petits-ailes. Ben des oui, groseilles aux petits-ailes. Ça, c'est la façon de meubler ça. Là, bon, commences-tu? Il m'en faudrait un troisième, là. Ben... Genre, faut que je m'en trouve un. T'as ouais, attends, genre... ben, va, il y a de la grenade. C'est sûrement de quoi faire avec ça, genre ça explose pas. Ou... Je peux pas. Ah, pas un petit jeu de mots de date, là. Ouais. Calice. Cerise se pleure, c'est plate. Ouais. Ça va, hein. Va avec ça. Ce serait cool, genre. Faut pas que ce soit tout bon. C'est, ce qui est drôle, c'est l'ensemble. C'est là où je vais acheter mes cerises. Puis des fois, je prends les se pleure. Calice, que c'est pas. Aïe, ah, ça tu vas voir, c'est super facile à trouver. Nectarine là, tu vas le trouver tout de suite. Note le bon dieu là, quand même. Ok, j'ai une deux, fuck it. Bah, ok. Bah, il y a mur. Ouais, il y a les. Mur. Ouais, c'est trop. Tu bouges pas mur à soir, man. Des fruits mur à mur. Ah, oh, ouais. Mais ça peut être la tagline, ça. Ouais, genre, oh, oh. Au royaume à fruiterie du murmure. Ouais. Au royaume des murs. Ouais. Ouais, peu importe. Moi, je suis correct avec mes poches, là. Ouais. Ça, on fait chacun les notes, c'est ça, ou... Ouais. Ouais, c'est dans la mesure du possible. Puis moi, je vois... D'habitude, j'essaie de splitter pour qu'on ait comme chacun un peu dans le montage, ouais. Là. Okay. Ça fait une dynamique intéressante. Got you, bro. Got you, man. Fait que la fruiterie... C'est quoi, finalement? Va avec la fruiterie pépin des fruits de mur en mur. Ah, c'est pas un jeu de mots avec pépin? Ah, ben ouais, c'est un jeu de mots avec fruit. Parce que, ouais, c'est un fruit, puis là, ok, je vais le faire. Un jeu de mots avec fruits? Ok. À la fruiterie pépin, on vous promet que vous allez pas être frustré. Bon. C'est pas pour vous. On the spot, est-ce que c'est ma meilleure? Il y a tellement de fruits partout, on dirait que les tuyaux fruits. Non, c'est pas. C'est pas quoi? Ouais, non, c'est. Même les Anglais capotent quand ils viennent ici, ils sont. It's fruit! It's fruit! Nice! Ok, celle-là reste là. C'est le fun! Tu manques jamais de rien, ananas. Tu manques jamais de rien, ananas assez! Moi, j'aime assez ça, magasiné-là. Là. Je m'en peux plus. Un excellent choix de pruneaux. Même des prunes feu puis des prunes vent. Tout le monde magasine ici. Manque juste toi. J'achète mes fruits chez qui? Oui, chez Fruiterie Cossin Chose. Fuck. J'ai juste le shit. C'est quoi déjà? C'est quasiment plus drôle que ça. Juste parce qu'il sait pas. Il est comme dans la pub. Moi, je le laisserais tel quel. Ouais. Il est trop confiant, pis ça calisse du nom. Non, mais donne-moi mon vin que je décris si j'ai acheté des steaks. Ah, pas steak. Ah, c'est triste, là. Ah, man, pas steak, s'il vous plaît. Bon. Mon papa, il est pas vie. Ah, t'as peu. Mon papa, il mange pas de viande. Il vient ici pis il fait pastèque, pastèque. Ok. Est-ce qu'elle est plate, hein? Ouais, c'est vegan. Calé, c'est quasiment triste. Moi, j'aime ça parce que c'est pour tout le monde. Autant les gars que les figues. J'étais allé l'autre jour m'acheter des avocats. Une avocate. Désolé, c'est pas ma meilleure. Ah, Chris. Ici, nous avons toutes les sortes d'avocats. Nous avons même les avotés, les avo-s. Me suis fait référer ici, c'est les meilleurs qui me l'ont dit. Oh. Le gérant, il est vraiment gentil. Chaque fois que je vais à la caisse, il vient puis il me châtaigne. C'est pas un fruit. Ben, il est dans la liste. Ouais, il est dans la liste. Ouais, okay. Ils doivent en vendre de ça, c'est-tu, dans une fruiterie, là. Il y a des nefs là, du Japon. C'est donc faire un jeu de mots, nefs là, du Japon, toi. Je t'ai dit que... Cet ananas-là, je me le rentrais dans un raisin moyen temps. Ah, si, je l'aurais pas ri, t'as un peu, là. Ah, il est dur, t'as un peu. Ah, je te dis que cet ananas-là, je me le rentrais dans un raisin moyen temps. Okay. C'est difficile. Je voulais m'acheter des fraises, j'arrêtais pas de me donner. Non, ça marche pas. Ouais, c'est... Je pense que je me suis trompé de date! 12 novembre! Ouais, on a assez, je crois. À date, c'est la meilleure friterie. Eh, Chris. Lui, c'est-tu lui qui a le moins d'enthousiasme? Ouais. À date, c'est la meilleure. Papa, est-ce qu'on peut aller acheter des fruits? Pistachette. Wow! Pistache. Pistache. Ouais. Ouais, je peux pas regarder, tu le dis pas dans un ton bizarre. Ouais. Pis, tu t'achètes. C'est comme si quelqu'un, genre, ils font une pub pis ils mettent ça dedans, là. Ouais, c'est quelqu'un qui fait ça quand tu magasines. Ouais. Ok, cool. On est bon avec ça, je pense. Ah, ouais, vas-y. Comme je disais tout à l'heure, il y en a vraiment pour tous les genres, autant pour les pommes que pour les femmes. Ok, c'est ben oui, toi, que le seul jeu de mots de pomme, c'est le pire crise de jeu de mots de pomme qui avait pu pas être fait, là. Je m'excuse, aussi. Hey, le dernier, c'est pas ma faute. Ah, Chris, ouais, déjà là, c'est pas mal les ça. Les pommes pis des femmes. Ok, non, je trouve ça drôle, les pommes pis des femmes. Ouais. Cool. Ok, bon, ouais. Fait qu'on arrive tranquillement à la fin de ce qui se trouve dans la voûte. Si tantôt au début on a entendu le premier extrait enregistré par les Sorbets juste avant l'épisode 1, voici maintenant le dernier truc enregistré par moi puis Mathieu pour le podcast, mais en fait plus précisément pour le best-of. Dans le fond, on a enregistré les espèces d'à côté des blocs de sketch du best-of. Où est-ce que Mathieu, justement, se retrouvait à l'hôpital et finalement a fini par mourir à la fin, le spoilers, là. Alors voici l'enregistrement intégral des segments du best-of. C'est tout du nouveau, hein. C'est bizarre. Vas-y. Ah! Hey, je sais pas pourquoi je suis comme gêné. Est-ce que c'est bizarre? Aïe aïe. C'est pas parce que c'est le café pis c'est pas de la bière, là. Bon. Ah, je vais fermer ma fan. Je l'avais laissé ouverte pour... Bon. Ah, moi, il est... Elle est On va mettre ça propre pour... Ah, j'ai chaud déjà. On va mettre ça propre 15 minutes au moins. C'était le best-of, là. L'important, c'est notre swan song. That's what she said. Ah, ouais. Je vais mettre ça propre pour 15 minutes. Hey, j'ai le droit, j'étais en train de mourir. C'est ça. Vite, plus vite tu finis, plus vite on okay. finit, plus vite on ouais, peut jouer à Minecraft. Je me demande comment tu rentres dans une chambre d'hôpital. Genre, c'est-tu quelqu'un qui t'amène là ou c'est toi qui trouves la chambre, genre, pis tu fais comment? C'est toi qui trouves la chambre. Tu peux faire genre toc toc toc pis tu vas. Okay. Hey Mathieu! Okay. Moi, je vais rajouter les sons. Ouais, je vais. Moi, ok. Je vais me noter. Pip! Pip! Ça. Ok. Hey Mathieu? Shit! Faut mettre la porte là. Shit, cet accident de guimauve là, ça t'a pas manqué. Arc. Ça peut... Je te l'avais dit de pas manger ce dernier guimauve là. Non, ben, non, ouais, je t'avais dit que ça allait être une guimauve de trop. Juste pour pas dire c'est quoi, genre. Ouais, ok. Aïe, aïe. J'avais le feeling aussi que la dernière guimauve était trop, mais je pensais pas que ça te ferait ça. Ouais. Putain. C'est raide en crise. C'est weird, hein? C'est vraiment bizarre le plâtre pis tout, comment ils l'ont fait. Peux-tu bouger un peu? Pas vraiment, non, check. Ah, pas bougé. Je suis pas sûr si ça a juste soigné ou si c'est toi qui as bougé. J'ai essayé. Mais t'en as combien de temps ici, tu penses? Aucune idée, je pense au moins un mois. Tabarnak, ok, ouais. Mais c'est un peu mal, c'est moi qui avais amené ces guimauves là. Mais tu sais, pour compenser, tu sais, là, je t'ai amené une surprise. Je sais, j'ai un sac set. C'est quoi? Là, je suis. C'est pas. Là, il y a 6 cassettes qui tombent sur la table. C'est pas encore tibérique. Non, attends. Est-ce que c'est. Attends. C'est encore tes esti de cassettes de Radio Enfer. Ah, faut pas jurer. J'ai encore tes petites cassettes de Radio Enfer. Mais non, c'est des cassettes, c'est des petites cassettes. J'ai pris le temps de monter les meilleurs moments du podcast qu'on faisait ensemble. Je les ai mis sur des cassettes. Ah, c'est. Ouais. Ah ouais. Y en a-tu pas beaucoup de bons moments? C'est une question que tu veux vraiment que je réponde. J'ai fait cette cassette, ça doit être bon, là. C'est comme. Tu te souviens pas? C'est vrai que c'était bon par bout. J'ai juste. Mais là, c'était compliqué aussi de mettre des morceaux là-dessus. Juste là, fait que toutes les belles discussions intéressantes qu'on avait, j'ai pas mis ça. J'ai juste mis. Tu sais, quand on essayait de faire de l'impro et qu'on était pas bien bon? Non, je m'en rappelle pas. Parle pour toi. Je me souviens pas, c'était quand la dernière fois. Et surtout de ça? Quoi? Et surtout de ça. Ouais. Ouais. Okay. Quoi? Ben, check, j'ai mon. Y a quelqu'un qui m'a amené une radio. Tu peux mettre la première cassette. T'as l'air, ça donne si bien que moi je fais ça sur format archaïque puis qu'il y a un radio exactement dans la chambre de. J'étais un collectionneur de boombox. Ah, c'est ça. j'aime ça que, malade, la première affaire que tu demandes, c'est amener mon boombox. Ouais, je veux pas rire de ta condition. Ça fait mal à chaque fois. Je sais, excuse-moi. Je t'en pars une. Je sais pas que ça. C'est pas pire, ça. Taïté, ça devrait pas être. Il y a de quoi, d'un peu mou sorbet, là. Ouais, c'est ça, c'est correct. Ok, puis là, ça revient, puis je suis comme. Ouais, ok. C'est vrai que c'était pas facile. Veux-tu, quand ça revient, veux-tu qu'on acknowledge un peu ce qui certains trucs qui s'est passé, genre, juste comme. Hey boy, hein, ça. Je sais pas. Mais en tout cas, je vais sortir la tracklist au cas, là. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Mais dans le fond, dans le premier bloc, il y a le truc de l'espace, il y a Racoin, il y a l'impro d'action avec les holoboules, il y a Monsieur Cheetos, puis ça finit avec le garage chez Tipper. Au garage chez Tipper. Ça peut se servir. Mais je sais pas, je l'analogerais. C'est pas nécessaire, mais ça peut être juste genre comme... ou pas. Mais juste si on a besoin d'eux, on le sait. Ah, oh, il était correct, Racoin. Ouais. Ouais, ouais, il me fait rire, en tout cas. Ça fait-tu du bien d'entendre ça? Un peu, mais tu sais, c'est... C'était tough, hein? On dirait que tu dis comme... Tu sonnes comme si t'avais plus de la misère à faire des trucs comme ça que d'être malade dans ta civière. Hein. Dans ton lit d'hôpital. Tu parais pas de même, c'est pas facile. Tu sais, des fois, quand tu veux improviser, ça sort pas, là. C'est ça. C'est... Mais c'est une autre cassette. Oh, mal, mal. Enlever celle-là, ma bête. Mais celle-là. Ouais, excuse-moi, la morphine fait. Ouais, je pense qu'ils m'en ont donné aussi parce que. Ouais, je pense. Puis je rejetais full l'effet de son de cassette, là. Ouais, oui. Puis je trouve ça drôle qu'on parlait d'impro puis que c'était pas bon. j'ai fait par exprès pour que ce soit le plus dégueulasse possible ce moment-là. Ok, après ça, on a. Interlude. On a l'intro, on a l'interlude A. Okay. Après ça, là, dans lui, il y a l'artiste du sandwich, il y a le concours, il y a le truc de pâte et papier, il y a le truc qu'on parle de crotte, il y a Barack Obama, il y a l'appel chez McDonald's qu'on parle du sceptre que Sam il a. Hey, on pourrait mettre un... Avec le son de bip bip là, à l'hôpital, on pourrait... Je sais pas si ça serait... Ouais, ok, un petit note, on met en fond genre quelqu'un qui est comme... Hey, merci madame, ça faisait des années que j'avais la boule de pain pris dans le nez. J'ai genre l'artisan du sandwich qui est comme. Qui parle correct parce que là il est allé à l'hôpital se faire enlever le bout de pain. Là. Ok, c'est pas bon. Ah non, non, non, non, mais je trouve ça drôle. Mais je me demande comment qu'on... T'entends ça en fond, là, genre. Ouais, non, c'est ça, faut, pas, parce qu'il est pas dans la chambre, fait que... Ouais. Faut qu'il soit en dehors. Bah non, laisse faire, fais pas ça. Mais l'idée est drôle, par trop compliqué. J'aime ça l'idée qu'il appelle, puis qu'il a plus de pain dans le nez, puis qu'il parle super bien, puis super articulé. Ouais, sinon, là, l'autre, ça revient, puis c'est... Bon, monsieur Mathieu, on va checker vos bandages. Tu fais ça. Hey, non, non, pas quand il y a quelqu'un, moi, c'est... Non, c'est une joke d'érection, mais je peux... Ah. Ça peut être ça. J'enlève la cassette, puis l'infirmière qui arrive. Ouais. C'est ça qui a fait ou c'est moi qui a fait? Comme tu veux. Tu devrais la faire vu que. Ouais. Vu que je suis là. Ben, t'es toi. Ouais, y a comme pas. Y a pas d'avantage que ce soit ni un ou l'autre. Ben. Bon, Mathieu, mais on va checker vos bandages. Attends. On va checker ton bandage. Attends, je vais enlever la cassette. Je vais me dire, comme, je vais juste faire clic-clic. Hey, c'est beau le monde créatif, là. J'entendais ce que vous faites. C'est pas pire. C'est ouais, pas pire. Ça? Mais moi aussi, je fais de l'impro. Je peux essayer de vous faire. Je vais faire une momie pendant que je suis en train de faire ces bandages. Je vais vous croquer. Vous êtes dans le sable. J'espère que vous êtes quand même une meilleure infirmière qu'improvisateur. Ah, les deux, je suis quand même bon. Ouais, je devrais dire plus quelque chose. Je vais garder. En tout cas, j'espère que vous êtes aussi bonne infirmière qu'improvisateur. Comme ça sonne comme si je la méprise, mais moins. Pantin, c'est fait. Hey, ça se peut-tu. Ah, est... Un des guimauves, puis l'autre une boule de pain dans le nez, toi. C'est. Bon, j'y vais. Est-ce que t'as bien bandé ça, hein? Ben, c'est. Ben serré, là, c'est. Est-ce qu'il y a de bouger plus de même ou. Ben, attends, hein. Ah, pas vraiment, ouais, non. Ok. C'est. Hey, hein, les. C'est. Ça paraît pas, mais. C'était du travail en crise. Faire les sketchs. Est-ce que ça n'a pas rapport que là, tu viens de te faire bander, puis là, t'en reviens là-dessus. Là. Est-ce que ça fait shoehorner, là? Ah, oh, c'est vrai. Hey, En fait, tu devrais. Mets la cassette. Tu dis, je vais te mettre l'autre cassette. Là, j'ai, oh. Ah, ouais. Il faudrait que tu commences à plus vouloir. Oh, ouais, c'est okay. Ça. Ben, il m'en reste d'autres, hein, je peux te mettre l'autre cassette. Ouf! toujours aussi drôle. Hein, que ton personnage de gars que ça y tente pas. Là. C'est du travail aussi. Je pense ça. Ben, ça a l'air mou, mais tout monté, ça devrait être possible. Ouais. Avec un fond d'hôpital puis des effets sonores. Yep. Fait que là, on vient de faire un interlude B. Il en reste combien? Au moins 4. Tabarnak! Ils sont pas obligés d'être bien longs non plus. Non, c'est correct. De toute façon, ça fait 10 minutes. Non, c'est ça. Puis monter de tête. Ok, puis, l'autre. Ok, après ça, t'as le sous-marin, cabaret des sorbets, Gilles Serpent, le gala du podcast, Raoul, Robert Bababois. Le truc de Magneto, puis ça finit avec la pub de salon funéraire. Y a pas grand. Je sais pas qu'est-ce qui pourrait arriver d'autre dans cette salle de. Ouais, je sais pas parce que là, si on continue avec juste le hey, pas d'eau. Non, c'est ça. Faut que ça. Hey, tu me laisses-tu 2 minutes? Faut vraiment. Ouais, vas-y. Ok. Ah ben ça pourrait être ça l'interlude. Faut que je fasse pipi. Ben pis. Ah, ça. Ah, oh, Chris. Ça aurait dû être ça. J'en ai profité pour faire un petit caca éclair. Oups! Pow! Pow! C'est fait! Ok. Mais c'est vrai que tu pourrais avoir envie d'aller aux toilettes ou quelque chose, pis ça fait un malaise. Je sais pas comment dire avec ça. Ça fait juste que. Même pas moi. Branche la paille. Branche la paille dans le plâtre. Tiens le sac, s'il te plaît. Tiens le sac. Faut que tu me lèves. Ah, ça serait drôle de mettre plein de bruit de sac, plus ça splash, plus ça pète à terre. C'est une niaiserie. Ok, ouais, faisons ça. Hey, hein? Hey, man. Tu peux-tu m'aider? Faut que je me relâche. T'aider... Ouais, prends le sac, là. Il y a un sac à mes pieds. Ok. Je fais quoi que ça? Tiens, lève-le un peu. Je me sais ici, là? Ah, je pense qu'il va falloir que tu lèves mon cathéter à l'entrée. T'as pas une infirmière qui peut venir faire ça? Non, ça s'en vient, c'est trop vite. Comme ça? Non. Tiens, elle est plus haut, un peu plus haut. Pèse pas. Je sais pas que je fais. J'ai jamais fait ça. Pèse pas. Tire un peu dessus. Tire un peu dessus. Excuse-moi, il est en dessous des mains. Ah, c'est correct. Bon, on va appeler l'infirmière. Je vais mettre plein de merde sur la cassette. Bon, en tout cas, c'est déjà des cassettes plein de merde. Ok, gars, je vais... Ah, il y a une vraiment bonne blague à faire avec ça. Avec? Ah, l'affaire des cassettes plein de merde. Genre, il y a moyen de l'amener plus subtil. Ben, pas subtil nécessairement, mais plus smooth. Attends. Bon, non, ok. C'est pas comme si ça allait changer grand-chose. Ouais, c'est pas, je vais mettre plein de merde sur la cassette. Bon, c'est pas comme si c'était déjà différent. Ah, oh, je sais pas comment le livrer. Ouais. Ou ça peut être moi qui dise, oh, c'est pas comme si ça allait changer grand chose, vu que c'est moi qui est super pessimiste. Ah, c'est vrai, c'est toi, faudrait qu'il réponde en fait. C'est moi, faudrait qu'il dise. Faudrait que je dise, ouais, là, j'ai même plein de merde. Je vais mettre plein de merde sur la cassette. Fait que, bon, tu sais, c'est toi qui réponds. Ouais, ben, tu sais, c'est. Attends. T'en as déjà mis. Oh, c'est pas comme si ça allait changer grand chose. Ouais, c'est ça. Ou t'en as déjà mis. Son Joplin. Ah! Son Joplin. C'est ça. Ouais, mais là, j'ai même plein de merde. Je vais en mettre plein ces cassettes. Ah, mais son Joplin. Ouais. Je vais. Ouais. En tout cas, je vais. Va jouer ça. Là, j'ai envie. Parce que là, je viens de voir. J'ai envie de mettre lui en quatrième. Parce que le bloc avant, il finissait avec une pub de salon funéraire. Puis j'étais en train de me dire, ça aurait pu être drôle de faire une pub de pas faire une pub, mais faire juste un clin d'œil à... Ça, tu vas peut-être en avoir besoin d'un bientôt si tu continues de même ou quelque chose de... Mais c'est peut-être pas si drôle que ça. Ou pas. Fuck it, tu le sais, puis de la mort. C'est pas si drôle. Je l'ai dit, j'ai fait comme, ben non, ça sert à rien. Ok, fait qu'on a le C. Après ça, on a le troisième. Bloc 4, c'est il y a le Hold Up, il y a le Nasocerbe qui parle du futur. Il y a Mimouche. Il y a le truc de pêche. Là, j'ai écrit Galaxy, mais je l'ai enlevé. Je pense que c'est le truc des pirates que j'ai mis. Il y a le poète, puis il y a des jokes de chien du cabaret. Il n'y a pas tant de matériel. Là. À part se faire un truc futuriste. Okay. Hey, c'est fou qu'il laisse les chats rentrer à l'hôpital. Excuse, t'entends-tu mon jeu? Ouais. Ouais, ben, c'est, je trouvais ça drôle aussi qu'il y ait comme... Je suis tellement content. Il y a comme 4-5 chats dans cette... Dans la chambre d'hôpital. C'est... Il y a une temps d'ouvrir, c'est malade. Mais dis... Il y a au moins ça qui va bien. Lui, c'est parce qu'il fait ses griffes sur ton plat, c'est pas grave, ça? Ben non, ça va, là. C'est pas pire qu'écouter les cassettes. Ouais. Hey, ben, je pensais t'amener des fleurs, mais là, avoir toutes les chats, ils auraient tout mangé. Je suis content de t'avoir rien amené à part des cassettes. Un bouquet de cassettes, quand même. Écoute, ouais. J'aime ça, je vois que ça te revigore, plus qu'on en écoute. J'en mettrai un autre. C'est la dernière. Peut-être. T'as une surprise. Le bruit de cassette. Bon, en fait, il en reste. Chris, il en reste deux. Il reste deux cassettes. Celle qu'on vient d'écouter, c'est Sitcom de Sauce. Il y a le live Facebook, il y a la box avec Steve. Il y a Monsieur Q-Tip dedans. Mm. Il y a une pub de fruiterie. Cabaret, groupe de musique. Puis il y a le segment random. Ah, peut-être je peux avoir un appel, mais on répond pas, genre. Je fais comme, c'est mon cell qui sonne. Je fais comme, est-ce que j'ai mon cell qui sonne? Ah, calvaire, c'est Monsieur Q-Tip, genre. Puis ça fait qu'on répond pas. Ouais, là, dès que c'est important. ou n'importe qui, c'est pas obligé d'être Monsieur Q-Tip, mais un personnage. Ou... Hey man, t'as un appel. Pourquoi tu me dirais ça? Je sais pas, parce que je l'entends. Ah, faudrait qu'il y ait une musique. Faudrait que. Mais c'est le son. Faudrait que ça soit le son des. Ah, ben, fait, ok, ça va être. Ok, ça va faire un son des appels. Ouais, ça sonne. Puis il faudrait que tu me dises, je vais pas répondre. Puis dis-moi, genre, mais là tu réponds pas. Ben, ah, ou ouais, si tu le téléphone de la chambre, faut que ce soit clair que ce soit mon sel. Ben, c'est pour ça, Hey, ton cell sonne. Ouais, je pense que je sais qui, j'aime autant mieux le laisser sonner. C'est qui? C'est ça, Carl, c'est Monsieur Q-Tip. Oh. Tu veux vraiment qu'on aille là? Je vais l'envoyer sur ma boîte vocale. Écris, je suis dans les plates, là. Donne-moi une chance. Ça veut dire qu'avoir donné mon numéro personnel à tout le monde du podcast après avoir fini, mauvaise idée. Ah ouais, c'est pas la seule. C'est pas la seule! Ah, oh, Chris. Ah, si oui. Ah, je sais pas où aller avec ça, en vrai. C'est pas la seule. Ouais. Comme c'est pas la seule cassette qui reste, pis là, ta mère. Tu sais, le gars qui il comprend pas que c'est genre un peu une. Non, c'est ça. C'est, moi, faut que je comprenne pas ça. Il rit dessus positivement, non, genre. Ça marcherait. Pas la seule cassette qui reste, tu sais. Je mets l'avant-dernière. Les shows de genre. Est-ce que ça va sonner comme un show d'enfant? pas la seule. Attends, comment naturellement le dialogue? J'ai dit. C'était une mauvaise idée de faire ça, là. C'est pas la seule. Comment je rembarque que ce soit naturel? Genre, juste que je m'en vais voir les cassettes. C'est pas la seule. Ouais, je sais pas. Peut-être que je vais y envoyer une batch de cassettes à lui aussi. Penses-tu que le monde aimerait ça? J'aurais peut-être mettre ça sur Internet, les cassettes de même. Ouais, ça peut. Ouais. Ça a de la valeur, ça. Je pourrais spammer sur tous les groupes Facebook que j'ai sorti des cassettes. Mais je pense qu'on a juste à dire que c'est bon, pis ça l'est. C'est ça qui fait que c'est bon. Ah, c'est ça le truc d'habitude. Ben, gars, je vais. Non. Ben, je vais juste la faire. Voyons, Carlis. Comment est-ce. C'est l'avant-dernier. Il en reste juste un après, si je me trompe pas. Faudrait peut-être que je fais comme. Hey, là, on dirait que des fois, tu trouves pas ça bon? Je t'ai amené des cassettes de ce que. T'avais du plaisir là-dedans? T'aimes plus ça? Bah oui. Hey, tu m'as fait peur, là. Sur le coup, je pensais que ça te faisait chier. Mais t'en faire jouer. Il m'en reste une petite dernière. Ok. Je savais pas où aller que ça. C'est correct. Et là, je pense que c'est. La fin. Tabarnak, y'a-tu un autobus qui part chez vous? Ouais. Ben ouais, j'imagine. Mais... pas dans l'appart. Dans ton appart. Ouais, il resterait l'équivalent de la fin. Là, ce qui close l'album, entre guillemets. On vient d'écouter. On fait quoi? Pas, hein? On vient d'écouter l'hélicoptère, le massage, il y avait la reine, il y avait Gaëtan Miroir. Il y avait les... Non, mais on fait l'affaire de piiiip, pis t'es comme, ok, c'est du gold, ça, faut que j'enregistre. Tu rappes, tu ça. Piiiip, yo, yo, yo. Ah, oh, tabarnak. Hey, Chris, c'est du gold, ça. Ça peut être... Okay, ça revient, pis c'est... Genre, t'as le bruit de cassette, mais c'est genre toi mort, fait que c'est biiiip. Pis... Moi, je fais comme c'est du gold. Ah, puis là, j'ai bien fait d'enregistrer ça ou quelque chose. Puis je commence, au pire, je commence à rapper. Puis là, tout arrive en fantôme. Genre avec une voix en écho. C'est comme, Chris, c'est pas vrai que tu vas rapper par le chemin ou je sais pas quoi, là. C'est quoi de même? Parce que je peux pas faire la fin tout seul. Je trouve ça drôle que tu sois un fantôme. Là. Ouais, ok. Ou quelque chose de même, là. Quelque chose d'un peu. Fait que là, ça revient, on entend le bruit de cassette qui enlève. Puis. Hey, je pense que ta machine à. Ouais, on calisse. Comment on appelle ça? Ton cardiogramme. Bon, hey, c'était pas pire. Hey, je pense que ton cardiogramme fait défaut parce que. Mathieu, t'es-tu là? Ah, oh, fuck. Ah, man, une chance, j'ai tout enregistré ça, man. Une mort dans un podcast, ça doit être. C'est-tu cool? C'est... Hey, une chance, j'ai enregistré ça. Hey, une mort. De même, c'est. Ah, c'est du gold. C'est tout du gold. Hey, je suis prêt. Ok. Yo, yo! Hey, c'est le rap du cardiogramme. Mathieu, il est mort. pis c'est pas gramme. Parce que moi, je rappe. Aïe, aïe, wow, man, wow, wow, tu what? Rappes sur mon cadavre. T'es-tu un fantôme? Ouais. Je pourrais avoir plus peur que ça. Bon. Ah, voyons! T'es-tu qu'un... T'es un fantôme? Ben oui, toi, je te parle d'outre-tombe. T'es en train de... T'es en train de rapper sur mon cadavre, sur mon cardiogramme qui... C'est la misère à parler en fantôme. J'aurais pensé qu'en fantôme, je suis meilleur, mais non. Hein. Ah, veux-tu... Hey, train wreck du début à la fin, ça. Ah, ah si, je suis prêt. On dirait que je l'ai comme auto-détruit dans ma tête, puis je trouvais ça drôle que ça finisse sur des autres. Puis... Ah, attends, il manque une affaire. Mais je sais pas quoi. Calice de Chris. C'est tombé compliqué de faire ça, hein, c'ti. Comment François Pérus il fait pour faire ça? Je sais pas. En fantôme, tu... Ah, calice. Je sais pas. Bah, c'est correct, ça, non? Peut-être. Il me semble qu'il manque une affaire. Là, tu viens de parler en fantôme. Tu viens de dire que t'es pas meilleur en fantôme. Moi, j'ai juste fait... Ouais. J'ai juste bafouillé. Il reste une cassette ou c'est non, fini? Non, ce serait la fin. Ça close là-dessus, genre. Ok. Je sais pas comment... Hey, ça va être tout un chiard si on réenregistre des épisodes. Moi, en fantôme. Ben, je pense... Bon. Ah non, j'allais dire... Bon, faut que j'y aille, Drûle, matin. Doodle? Drûle. Ah, si. Ok, ouais, ok. Hey, faut que j'y aille, Drûle, matin. Drûle? Chaud. T'es rendu un spectre? Mathieu, explique-moi de ta... Tu... Comment c'est la vie après la mort? Je peux pas croire qu'il y a pas un liner que je peux faire à la fin, hein, qui close tout. Ouais. Non, calice. Ok. C'est con, ok? Là, je viens de crier quelque chose au fantôme. Là. Et puis, peut-être une autre affaire de... Ernest! C'est qui, Tana? Parce que je peux te parler avec Ouija? Voyons, ça... Pourquoi ça cogne? Puis, là, je vais ouvrir la porte. Puis tu fais le gars qui fait « Je veux de la sauce. » Puis là, il y a un bruit d'applaudissement. Puis ça finit, là, genre... Ok. Je veux de la sauce. C'est ouais, ça? C'est à peu près ça, je pense. Puis je vais mettre des bruits de wouh! De cheer du sitcom de sauce. Je veux de la sauce. Ça finit, c'est cheer. Je sais pas si c'est peut-être con. Hein. Ouais, parfait, c'est ta tombe. Hein. Ça me va. Moi aussi, je devrais avoir assez de trucs pour monter de quoi. Là. Hey! Hein? Non, mais. C'était bon, hein? T'sais, parle-moi de ça, 2h30 de vieille cochonnerie qui avait déjà été coupée avant pour une raison, pis là maintenant, raboudiné dans un podcast. Je sais pas si ça paraît que j'enregistre ce petit segment-là comme genre 2 semaines après, pis là on dirait que j'ai vraiment moins confiance en cette idée-là. Pis en plus, je suis enrhumé, fait que ça paraît crissement beaucoup, j'ai le nez bien plein, là. Ben c'est ça, on arrive à la fin. Écoutez, je sais pas où c'était bon, peu importe, là. C'est pas grave, là. Je veux dire, je le force pas dans la gorge non plus. C'est un bonus, là. C'est un petit bonus. J'étais à peu près sûr qu'il y a du monde qui ont vraiment apprécié ça. D'autres qui vont faire comme, ben c'était dans mon pointless, mais il me semble que vous faites juste rien dire tout le temps. Je fais comme, ouais, ok, c'est vrai. C'est pas, en tout cas, peu importe. C'est pas grave. Tout ça pour dire que... C'est la fin de Voûte du Gold. Je ferme boutique maintenant. Je remballe tout. En fait, littéralement, je vais me servir de ça pour remballer mes affaires. Ben pas littéralement, je vais pas mettre du papier autour, mais dans le sens, ça me donne le cue de tout sacrer mes affaires, tous mes fichiers audio, toutes les files en rapport de avec ce projet-là, tout mettre ça sur un disque dur externe, loin, libéré de l'espace sur mon ordi. Fait que là, c'est vrai, là. C'est comme... C'est une vraie fin. C'est la vraie fin. Oui, l'éternité, mais tu sais, l'éternité, la joke, c'est que tu sais pas si ça va revenir. Je pense qu'on peut assumer que l'éternité veut dire que c'est l'éternité, point. Puis c'est juste qu'un « i » à la place du « i ». Anyway. Fait que c'est ça, c'est le, c'est comme le, c'est probablement la dernière mise à jour sur le feed RSS des sorbets. Probablement la dernière mise à jour sur le Facebook, le Twitter aussi. Parce que on dirait cet épisode-là sert juste à comme moto nostalgie. Puis tandis que je pense que c'est une façon de mettre une vraie coupure, puis de mettre autant pour le projet que pour moi personnellement. On dirait que là c'est comme là, c'est la vraie coupure là, c'est là là. Puis là, les épisodes vont, s'en vont pas nulle part, là, ça va rester là, puis ça, le minimum d'entretien que je vais faire, ça va être de m'assurer que tout est accessible encore. Et s'il n'y aura pas de problème avec ça, pas d'inquiétude. Puis, fait que c'est ça, bref, écoutez, merci d'avoir été là. Puis en fait, merci d'avoir été là pour toute la raid, parce que on reçoit encore tellement beaucoup de messages de monde qui réécoute les épisodes, puis qu'il aime encore ça, puis qu'il s'ennuie, qu'il se demande quand ça revient, puis tout. Fait que c'est cool, pour vrai. C'est une chance qu'il y a eu ça, parce que pour vrai, sans ça, il n'y aurait aucun point à faire un projet comme ça. Mais là, ça le justifie, puis je trouve ça bien cool. Pis c'est cool, parce que le petit podcast-là m'a apporté quand même plein d'affaires. T'sais, j'ai fait des petites belles rencontres avec du monde avec qui je parle encore aujourd'hui. Je pense aussi que ça m'a permis de plus m'assumer. T'sais, c'est niaiseux, mais comme avant, me semble dans ma vie, j'avais un ton podcast, mais je pense que je savais que quand j'enregistrais le podcast, je tombais en mode podcast, puis finalement, je suis juste devenu ça, un peu. C'est comme, il n'y a plus deux modes, là. C'est juste comme, je suis tout le temps de même, là, tu sais. Ben oui, puis par ça, j'entends que, tu sais, qu'à la job, je fais des appels, oh, j'ai un appel, hey, c'est moi, monsieur Q, tu sais, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, c'est pas ça, là. Mais anyway, là, je veux pas vous en tenir trop longtemps, là, me semble que je vais dire plein de boîtes depuis tantôt, là, mais bref, merci encore d'avoir été là. J'aurais vraiment aimé ça faire un genre de wrap-up plus officiel pour les 4 ans avec Mathieu. C'est pas parce que j'ai pas essayé. Mais anyway, demandez, c'est à moi de décrocher aussi. On décroche ça ensemble, ok? Là, officiellement, regarde, je vais arrêter la musique là. Bon, fait que la musique, je joue plus. Tire là-dessus, on va fermer mon micro. Sur cette là, pantin. C'est officiel. Et que c'est la fin. C'est comme quand il retire le chandail des joueurs de hockey. Mais là, je retire mon micro. Fait qu'il n'y aura pas de musique de fin, ça va être juste. Finissons sur toutes les affaires qui se désintègrent. Je vous souhaite de trouver d'autres projets. Qui vous plaisent comme autant que celui-là. Fait que merci encore d'avoir écouté, puis je vais. Sur ce, faut vraiment que j'aille me boucher. Je vais aller me boucher. Bye bye! On peut en faire après le générique. Là. Je vais essayer de voir à quel point ça peut être long. Attends. Ah, la pire chanson longue. Je regarde mes mains en chantant sur le beat. Mes mains sont un peu rouges parce que j'ai cuit des bêtes. C'est la fin de l'épisode. Quand je regarde mes mains, pis là, après, je change de place. Je regarde maintenant une tasse. La tasse, elle avait du métal dessus. Une tasse de Starbucks. Hier, je l'ai mis dans le micro-ondes. J'ai pas pensé qu'il fallait pas, ça fait des sparks. Pis là, y a plein de petites traces dessus. Je sais pas si je vais mourir. Sait-on jamais, on va tous mourir. Ça fait quand même peur quand tu y penses. Et un écran, je regarde mon écran. Poup, poup, poup. Je regarde mon écran. Je regarde mon écran. Poup, poup, poup. Je regarde mon son. Je regarde mon son. Ça avance dans la chanson. Juste à droite, y a mon Oculus Rift. Ainsi que deux caméras. Y a une vieille tasse de la semaine passée. Le café est séché ou moisi. Y a un coupon, y a 25 sous. Y a un 10 sous, une manette de Xbox. J'ai un cœur de pomme. Pomme. Un crayon, une manette. J'ai un crayon. Un reçu, deux écrans. Tout c'est le stock sur ton bureau. C'est, voilà, j'ai fini d'énumérer tout ce qu'il y avait sur mon bureau. Sur ton bureau. Maintenant, je baisse le regard. Je regarde mes pantalons. Je regarde le fait qu'ils ont beaucoup trop de poils de chat. Poup, poup, poup, poup. Un peu poup, poup. Pip, pip, poup, poup. Ababababa, boup, boup. C'est le robot chantant, ça? Et pip, pip, pip. Zip, zap, boup. Et map, map, map, map. Pop, map. Je vois aussi que j'ai une pile de papier avec plein de choses dessus. Un papier pour mon siphon. Un papier avec une recette. Un rapport de carte de crédit. Et un papier de Fido. J'ai un reçu d'un physiothérapeute parce que j'ai mal à l'épaule. J'ai aussi une autre lettre pas ouverte de ma carte de crédit. J'ai un reçu... Ah non, c'est une facture de 14,58. Ça vient de chez Viviane Macriki. Ah non, c'est le nom de la fille à caisse. Je sais pas, c'est où ça? Qu'est-ce que c'est ça, c'est ça? Ah! C'est un reçu de Jean Coutu. Où j'ai acheté des bonbons. Des bonbons, c'était quoi? Des petits trucs salés. Non, c'est pas salé, c'était des bonbons. Attends. Mais ça existe des bonbons salés, Calice? Oui, mais c'était des candy corn. J'ai aussi acheté du smoothie. Nope. Une autre facture, que cette fois-là, c'est pas de Jean Coutu. C'est du vrac en folie. J'ai acheté du quinoa rouge, du crème de tarte, des dattes de la mangue. Des dattes de la mangue? Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. J'ai une lime à ongles. À ongles? Pour limiser mes ongles. Pour limiser. Moi, je ne lime pas. Je limise. C'est ben trop épais, là. Oups. Tu l'as effacé, faut que tu le refasses? Non, non. Non, c'est le nom qui est mal écrit. C'est toujours le même ton tout le long. Ouais. Esti, qu'elle va être lourde, man. Mais c'est après le générique, ça. Oh, ouais, ouais. Ce qui était avant, t'es pas lourd, anyway. Bah, ben, on peut arrêter, hein? Ouais, c'est pas possible. Fait que j'arrête d'enregistrer là. Ouais, moi aussi.